Bonjour à tous et bienvenue dans Déviation. Cette fois, on se retrouve en réel, autour d'une table et non pas autour d'une salle de chat, un chat room. Et donc on est avec la fine équipe, l'équipe des débuts, donc avec Jonathan. Salut à tous. Et puis Adam. Bonjour. Voilà. Et puis Victor quand même. Et puis Victor, donc c'est moi. Et aujourd'hui, on voulait faire un épisode, on voulait profiter de cette occasion de se retrouver tous autour d'une table pour parler de déviation, et parce que ça fait quand même plus d'un an maintenant, parce qu'on a, une régularité, on pourrait qualifier, voilà exactement, douteuse, c'est ce que j'allais dire. Et on a commencé donc en novembre 2020. Et on en est là aujourd'hui avec plus de 9 épisodes, 9 épisodes, on va dire, canon, 3 épisodes hors série. En fait, on a fait plus d'hors série que de canon, quoi. Ouais, presque. Mais voilà, et en fait, on voulait faire un point sur ce qu'on avait pu vivre et cette belle aventure qu'on a pu accomplir, sur les projets avortés, les idées qui n'ont jamais vu le jour. Ce que tu es en train de dire, c'est que c'est un petit peu un bilan de fin d'année d'entreprise, quoi. Exactement. C'est un peu un brainstorming, finalement. Ouais. Où est-ce qu'on veut aller? Où va-t-on? C'est génial. Est-ce que tu as prévu un paperboard? Oui, j'ai prévu un paperboard. Tu as même fait un petit PPT. Exactement. Génial. Je ne savais pas que des gens disaient PPT, mais... Personne dit ça, mais c'était plus court, j'avais la flemme de prononcer mon nom. Et bien, figurez-vous que moi, j'avais un prof à l'IUT qui disait PowerPoint. Voilà, et c'est pour éviter ce genre de choses qu'on dit PPT, tu vois. Mais est-ce qu'il le disait pour rire? Non, totalement sérieusement, c'était PowerPoint. Alors, vous allez me faire pour votre exposé un petit PowerPoint. D'accord. Bon, après, j'ai des potes là qui sont en master, ils ont des cours de statistiques, et le prof, il dit le internet tout le temps. Et voilà. Et il donne quand même des cours de... Ouais, c'est compliqué, quoi. Ouais, voilà. On salue tous les enseignants qui sont déconnectés. Hein. Mm-hmm. Courage. Bah, ils sont déconnectés de la réalité avant tout. Oui, c'est les jeux vidéo, ça. Ah, bah ça... Ça, on le dit pas assez, hein, mais... C'est ça. Et du coup, faisons un point sur ce qu'on est devenu peut-être personnellement depuis cette année. Le chômage. Allez, bisous. C'est vrai, il y a eu le chômage. Et le chômage finalement, qu'est-ce que le chômage? Voilà, parce que pour répondre à cette question, qui de mieux que le prof d'économie de la bande, qui est devenu prof d'économie depuis l'année dernière. Voilà. Alors par contre, on dit prof de sciences économiques et sociales. Oui, mais écoute. Voilà, parce que tout le monde nous appelle prof d'éco, et du coup, il y en a qui nous confondent avec les profs d'éco-gestion, et moi, ça jamais. Franchement, c'est vrai que moi, j'aurais jamais fait la... J'aurais jamais confondu, je veux dire, vraiment. Ah ouais, j'espère bien, parce que jamais on compare à ça. Moi, c'est vraiment... Mais je te comprends, moi, ça. Mais tu sais, moi, à l'époque où j'étais au lycée, je pense que les SES n'existaient pas, c'était juste l'économie, quoi. À l'époque, on disait un bac G. Putain, attends. Que ça existait déjà. Moi, je crois que j'ai pas assisté à un seul cours d'ESS. Mais... parce qu'en même temps, on voit le résultat. C'était à un moment donné, c'était une option. Enfin, moi, je sais quand j'étais au lycée, c'était option découverte. Oui, bah oui, c'était en même temps. En seconde, on avait peut-être. Oui, t'avais le choix entre SES et PFEG. Et moi, je me souviens qu'à l'époque, j'aimais pas du tout les SES, mais parce qu'en fait, mon prof de SES, c'était un prof d'éco-gestion justement. Et donc, on salue tous les profs d'éco. Mais tous les profs d'éco-gestion. Imagine si on a deux auditeurs et les deux sont profs d'éco-gestion. Mais ils sont là, tu vois, le point serré, ils font putain. En fait, on en parlait avec un de nos formateurs qui disait ils sont vraiment ces types-là, genre, ils vont au charbon dès qu'il y a un truc à remplacer, ils remplacent, quoi. Il n'y a pas de souci, ils sont volontaires. Par contre, c'est compliqué quand t'as pas eu les connaissances. Autant en économie, je pense qu'ils se débrouillent, autant en sociaux, c'est compliqué, quoi. Bon, bref, on va pas... On les salue, en tout cas. On les salue, évidemment. Ouais. Voilà, c'était mon histoire. Du coup, voilà, résumé, le chômage et Adam qui insulte les profs d'éco-gestion. C'est ça. Voilà. Bon, c'est... Bah, merci à tous. Et toi, Victor? Ouais, bah moi, j'ai fait du télétravail, quoi. Depuis un an. Quelle chance. Toujours à travailler dans la fonction publique territoriale, filière culturelle, en bibliothèque, voilà. Mais ouais, non, c'est... Et finalement, même si on va pas les évoquer là, parce que certains c'est plus perso, il y a quand même pas mal de projets, droite à gauche. Beaucoup avortés, bon, ça peut-être qu'on en parlera, mais il y a quand même eu pas mal de projets en un an qui sont... C'est très flippant de vous voir en parler en fait, je me sens totalement jugé dans ce que j'ai dit. Mais en tout cas, on peut revenir à tous les projets à porter, et on peut, je pense en tout cas, dire qu'il s'est quand même passé des choses en off, quoi. C'est clair. Et puis Adam est devenu professeur. Ce serait bien de le rappeler quand même, toutes les minutes. Mais en vrai, si quelqu'un nous écoute quelque part sur Terre, laissez juste un commentaire pour qu'on mette un jingle avec Adam qui dit « Bonjour, je suis prof ». Je suis prof d'éco. Et ouais, on bidouillera pour ça, je suis prof d'éco-gestion. De toute façon, on saurait même pas s'il y a des commentaires parce que Victor ne regarde même pas les stats. Non, parce que ça, quand même, disons-le. Victor, combien de temps notre podcast est resté hors ligne? À peine une semaine. Ouais, mais imagine Elon Musk passer par là. C'est vrai, on aurait pu être célèbre. Ah oui, du coup, je fais une aparté qui n'a rien à voir, mais on s'en fout parce qu'on est dans déviation. Les gens qui venaient sur le Discord, en vrai, restaient, parce que c'est un peu triste. Genre, à chaque fois, on voit une notification, Jean-Michel a rejoint le Discord, et je sais que vous vous sentez seul, et c'est normal, mais ne partez pas tout de suite, quoi, parce que ça nous fait de la peine. Il y a eu des gens sur un Discord? En fait, on a un Discord, oui, c'est vrai, mais... J'étais même pas au courant. Mais t'es dessus, en plus. Ah bon? Mais oui. Non, mais il y a un grave. Discord déviation? Mais oui. T'es dessus. Mais c'est pas le moment, Adam. C'est pas le moment, t'as dit. Mais d'accord. Du coup, tu vois, il y a quelques mois, enfin, ça fait presque un an, c'était au début, il y a quelqu'un qui était venu dessus. Et tu vois, nous, on n'avait pas capté. Et on y retournait après, on a vu, Jean-Michel est venu et Jean-Michel est parti. C'était un peu triste. Mais après, est-ce qu'il n'y a pas un problème de com? Parce que visiblement, même moi, j'étais pas au courant. Donc, mais comment les mecs sont arrivés? Comment les mecs arrivent là-bas? C'est-à-dire que, si tu veux, je me suis dit, ça va être. Super, un Discord, c'est sympa, c'est convivial. Au final, qu'est-ce qu'on a fait? C'est mieux que neuf, quoi. De quoi? C'est mieux que neuf. Corde. Oui. Ouais. Waouh. Donc, c'est convivial, c'est sympa. Le choc mental, bah là, c'est pareil, sauf que c'est pire. La loose. Ouais, le choc de la loose. Tiens, on devrait faire un jeu comme ça, tu vois, le plus du choc mental, du choc de la loose. C'est la vanne la plus pourrie. Je sais pas ce que c'est que le choc mental. Choc mental, c'est un truc qu'ils font dans le podcast de Ken Kojandi, où en fait, ils balancent une info que l'autre n'est connecté pas censé savoir, tu vois. Et il la balance comme ça d'un coup dans un sujet. Et du coup, le mec, il fait un. Comment tu fais ça, faudrait qu'on fasse ça. Et ouais, mais toi, du coup, tu peux faire le choc de la loose, tu vois. C'est-à-dire que tu fais une vanne tellement pourrie que Victor, il bug. En même temps, c'est pas difficile de me faire bugger parce que c'est vrai que aussi on peut parler un petit peu de la production de ce podcast. Il faut savoir que je m'occupe du montage et je m'occupe du montage pour une seule raison, parce que sinon vous auriez beaucoup de ça, de silence, de E de ma part et franchement, vous gagnez à peu près 20 minutes d'écoute à chaque podcast parce que je fais de l'inspiration aussi. Est-ce que tu devrais pas mettre là un petit extrait de tes E, justement, tu vois, genre 15 secondes de E de Victor? Bah, je les laisserai juste ici, mais voilà. C'est atroce d'avoir des tics de langage et de s'en rendre compte. Après, on en a tous, hein, t'inquiète. C'est clair, mais dans tous les cas, moi je fais le montage aussi pourquoi? Parce que les autres zigotos là qui sont avec moi, ils ne veulent même pas écouter le son de leur voix. Et ça, c'est terrible. C'est que je suis le seul assez courageux pour le faire. Voilà. Et du coup. Mais des fois, je me dis que je ferais mieux parce qu'après, quand je réécoute un podcast et que je m'entends dire des conneries, putain. Ouais, des fois, heureusement que personne ne l'écoute. C'est ça aussi. Des fois, on dit la merde quand même, on va pas se mentir. Oui. Et là, c'est dur, tu vois, pour ton ego parce que tu dis non, moi, je dis de la merde, non. Oui. Et c'est marrant parce que tu vois, je vais faire ça et puis le lendemain je vais critiquer un éditorialiste qui raconte des conneries. Je vois, à sa place, je ferais pas ça. Finalement, que sommes-nous? Qui sommes-nous? C'est vrai. C'est une bonne question à laquelle nous. Mais définissons. Non. Définissons d'abord les termes du sujet. Dire, qu'est-ce qu'un être et qu'est-ce qu'un. Je vais lancer la machine. Manque plus que parler de musique et c'est bon. Mais c'est marrant parce qu'il y a un type, c'est. Putain, comment il s'appelle la tour. Non, la touche, la tour. Putain, non, mais attends, je deviens con. La touche, c'est un mentaliste. Sans vous. Non, c'est la tour. C'est Bruno Latour. Oui, j'ai des refs obscurs. Qui est un genre de philosophe, mi-philosophe, mi-sociologue, qui fait que des bouquins avec des titres comme ça, un peu à la con. Et je crois que le dernier, ça doit être un truc du genre Où suis-je? Il faut que je retrouve le titre, mais je crois que c'est un truc comme ça. Ok, bah on est déjà parti sur la sociologie, alors que rien ne nous prédestinait à ça. Il a fallu 10 minutes. C'est ça, Bruno Latour, Où suis-je? Leçon sur leçon du confinement à l'usage des terrestres. Oula. Non, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de revenir éventuellement, je reviens là-dessus, mais sur l'origine de l'émission, parce que c'est vrai qu'on l'a évoqué quelques fois avec Jonathan, mais c'est un projet, c'est pas un projet qui aurait dû naître en novembre 2020, quoi, qui aurait pu naître bien avant. C'est. Je suis en train de réfléchir justement à l'origine et tout, mais c'est vrai que ça remonte à vraiment longtemps, puisque même, j'ai envie de dire, sur le côté créatif, on a déjà discuté depuis quasiment La Rochelle, quoi, depuis qu'on se connaît. Après, 2017. Ouais, voilà, et après, bon, c'est, au début, c'était pas forcément sous les traits d'un podcast, mais le podcast est quand même arrivé assez vite, et après, ça a été question de, ouais, de reporter, ouais, on va pas se mentir, hein, on a bien reporté, quoi. Et finalement, bah c'est un peu ce qu'on avait dit dans le podcast avec, où on avait évoqué le processus de création. Et c'est vrai que nous, le confinement, en tout cas la crise du Covid, a donné un petit coup de pied qui nous a permis de créer ce podcast, parce que je ne suis pas sûr que sinon on l'aurait fait. Ou en tout cas, beaucoup plus tardivement, je pense. Mais c'est vrai que pour une fois, vous avez. Enfin, pour une fois, vous n'avez pas. Allez, va bah Vous n'avez pas abandonné, quoi. Vous avez fait le truc. Ouais, ça déjà ça mérite une détail, ça je pense. C'est bien. Parce que mine de rien, on a créé quelque chose qui restera sur internet. Et en plus, ouais, mais vous l'avez pas fait en mode connard à faire un. Parce que en plus, Victor avait les capacités, en termes de savoir, de faire un business plan un peu. Ouais, enfin, mais j'ai très vite oublié. Mais voilà. J'ai très vite oublié. J'ai très vite effacé ça de mon esprit. Mais finalement, est-ce que c'est pas ce qu'on chercherait à terme, devenir riche? Non, est-ce que c'est pas ce qu'on chercherait, une espèce de renouveau de la scène de... Non, non, mais après, c'est vrai que avoir toute la production qu'il y a eu à cette époque, il n'y a pas que nous que ça a taraudé cette histoire de confinement. Il y a plein de choses qui sont nées à cette époque-là et tout, parce que justement, on en parlait justement dans un épisode, mais on a eu le temps de réfléchir à des choses pour créer des choses qui nous plaisaient aussi. Ouais, carrément, ouais. Et puis de toute façon, ça se voit assez clairement, parce que la période dont on était le plus actif sur Déviation, c'est quand même au niveau du confinement et des quelques mois qui ont suivi. Et c'est le aussi couvre-feu. Parce que, ouais, voilà, c'est que tout le monde était un peu dans cette effervescence, tout le monde avait du temps, on va pas se mentir. Mais il y avait quand même aussi ce côté, je pense, où voilà, les gens avaient envie de tourner vers quelque chose peut-être de créatif, même si c'était dur pour certains. Et on avait eu quelques témoignages qui allaient dans ce sens, quoi, et ça c'était quand même plutôt cool. Et du coup, ça a quand même permis de créer ce beau projet qui est Déviation. Et juste pour rebondir sur ce que disait Adam, il n'y a jamais eu la volonté de faire un business plan, ni même d'avoir une quelconque rémunération, ni même de faire de la pub, je dirais. Même si peut-être qu'on devrait un minimum, parce que c'est vrai que ça reste vachement de niche. Par contre, il y a toujours eu la volonté, et ça, je pense que c'est quand même important de se professionnaliser, pas dans le sens, encore une fois, de gagner de l'argent, mais de produire un truc qui... Plus quali, de plus en plus quali. Voilà, de plus en plus quali. Parce que, en tout cas, depuis qu'on a créé le podcast avec Victor, on a toujours fait régulièrement des petites réus, j'ai envie de dire, des conf-calls, pour évoquer Déviation, ce qui nous plaisait, ce qui nous plaisait moins, et toujours avec beaucoup d'idées en tête, peut-être qu'on y reviendra, mais... En tout cas, on a essayé d'affiner un peu ce qu'on voulait proposer. Il y a eu des épisodes moins bons, des épisodes super, mais dans tous les cas... Vous avez même abandonné des épisodes. Oui, plusieurs. C'est vrai. Plusieurs, beaucoup, trop. Mais après, en tout cas, ce qui est publié, tout n'est pas parfait, c'est sûr. Probablement que si on réécoute les premiers, notamment le tout premier, bah, ça nous paraîtra mou, enfin, plein de choses. Mais ça n'empêche que Moi, je suis content et je suis fier de tout ce qu'on a fait et de tout ce qu'on a produit parce que c'était un cheminement qui était long, qui a pris du temps. Mais je trouve qu'on s'est vachement amélioré. Franchement, quand tu peux écouter à la suite, bon, on le fera pas avec Adam, mais Victor pourra le dire, écouter à la suite les podcasts. Et je pense qu'il y a une réelle progression, même au niveau de l'interaction avec les invités, ce genre de choses. On s'est quand même vachement amélioré. Même vous ne le voyez pas forcément, mais en aisance à l'oral, on est quand même beaucoup plus libre qu'on l'était au début. Même physiquement, vous êtes amélioré. Enfin, je trouve que vous êtes vachement beau gosse quand même en ce moment. Il y a Ah, vraiment c'est un truc. grâce au podcast d'ailleurs. Oui, c'est vrai. C'est Avant vrai. j'étais laid et puis j'ai lancé Déviation et depuis je suis beau. Voilà. Un tombeur. Ouais, je sais. Non, non, mais vraiment, je trouve que Déviation, c'est avant tout finalement le processus qui comptait, plus que. C'est le voyage. Exactement. C'est ça que je C'est cherchais. Moi. le chemin Je parcouru. voulais balancer ça. Ouais. Et pas la destination. Bon, c'est beau. C'est beau. Et c'est vrai que pour ajouter à ça, c'est vrai qu'on a toujours eu à cœur de faire des choses dont on était fier, ou du moins qui ne nous faisaient pas honte. Parce que c'est vrai qu'on a eu des moments, des trucs qui nous plaisaient pas, où on s'est rendu compte c'était pas ouf sur le coup, où c'était compliqué techniquement, et on a décidé de plutôt abandonner, et de soit refaire, soit repousser à plus tard, soit abandonner totalement. Et c'est vrai, notamment, on a le projet, mais qui n'est pas forcément mort, le projet de podcast, on va dire, alternatif, d'univers alternatif, plutôt porté par Adam, projet Digression, Gression. Quoi? Gression. Merci Adam. Donc plutôt Choc de la loose, pardon. plutôt quelque chose, je sais pas, tu peux nous en parler? Bah oui, en fait, il y a eu un épisode, mais qui n'a pas été. Ouais, bah déjà le problème étant que moi, il y a un quart d'heure d'enregistrement qui n'était pas passé, donc ça Ah oui, c'était pour faisait. ça. Il y avait ça, et Ah, puis c'est dommage. ensuite, C'était nul, quoi. Je Bon, rigole, je rigole. En Oui, parce fait, aussi, moi, je me suis. C'est pour ça aussi, parce que je fais le montage et tout, mais je me suis senti nul, et je me suis senti complètement à côté de la plaque dans cet épisode, Oui, et parce j'avais pas l'impression d'apporter grand-chose, plus que. justement de tirer le Parce truc que vers le bas. c'était sur quoi déjà? C'était sur Sur. quelque chose d'assez philosophique, un sujet assez philosophique, c'était. Un truc genre développement personnel ou un truc. Enfin, c'est. En tout cas, il me semble qu'on a abordé le. Non? Ou C'était. l'individualisme? Ou je sais plus. Non, je sais plus. Bah disons que c'était assez particulier parce que du coup dans cette émission on avait une invitée qui accompagnait Adam Oui, qui était très intéressante. qui était en fait une amie qui est en master de philo, qui finit son master 2 et qui va passer la grille, et qui en plus est très cultivée, brillante. Enfin, là. Ouais, mais du coup, en fait, Voilà. vu que c'était un sujet assez précis, ça donnait plus finalement à une interview, je dirais que. Enfin, finalement, c'était. De ce que moi j'ai vécu, c'était plus moi qui essayais de poser des questions et vous qui apportez une élément de réponse. Et forcément, il n'y a pas trop la place pour deux personnes qui posent des questions. Et c'est aussi ce qui a fait que Victor Oui. s'était un peu mis Et qu'en en plus retrait, quoi. j'avais préparé le sujet, en mode j'avais presque fait une dissertation, mais du coup. C'était beaucoup plus théorique. Bah, Il y avait, en tout cas, on peut le en dire, tout cas, il il y y avait. avait des termes qui étaient définis. Beaucoup de termes qui Oui, étaient beaucoup de termes étaient définis. définis, et moi j'adore quand les termes sont définis. Et on le Pas sait. comme dans mon mémoire actuel. Non, mais. Ce qu'il y a, c'est que oui, peut-être ce qui pouvait être frustrant pour vous, quoi, c'est qu'il n'y avait pas. Finalement, c'est vrai qu'il n'y avait pas tant de place que ça à la digression. Enfin, en tout cas, il n'y avait pas de place à une digression en termes de débat, d'avis contradictoires. C'était plus une somme de connaissances apportées à chaque fois parce qu'on se disait, ah bah tiens, on a parlé de ça, du coup on peut parler de ça. Et c'est ça. Et en fait, le problème, je trouve, et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on n'en a jamais trop fait de retour, on n'en a jamais discuté entre nous, donc là, c'est l'occasion de le faire. Mais en tant que moi, j'étais un peu profane sur le sujet, c'était un moment un peu compliqué parce qu'il y avait beaucoup de termes techniques, et puis moi, j'ai la capacité d'attention d'une huître avariée. Mais en fait, c'était un sujet déjà qui me touchait peu. Et Ah, c'était sur la spiritualité. oui, c'était sur la spiritualité, voilà. Et enfin, c'est un sujet qui nous touche tous. Et Mais en putain, fait, un sujet qui nous touche tous. Oui. pas facile. Voilà, genre de truc que vous n'entendriez pas dans un épisode normal, parce que la censure serait passée, en somme. La spiritualité, en fait, c'est que, ce qui nous plaît bien, en tout cas avec Jonathan, dans Déviation, c'est qu'on a une place pour parler d'anecdotes personnelles et pour parler un petit peu d'échanger des tranches de vie. Et des tranches de rire, finalement. Et voilà, parce que c'est toujours, y a toujours moyen de rigoler un petit peu avec tous les sujets. Mais là, en l'occurrence, ça ne s'y prêtait pas trop, parce que c'était quelque chose qui, au final, que tu aurais dû peut-être porter plus tout seul. Parce que nous, là-dedans, on était un petit peu le cul entre deux chaises. Enfin, c'est vrai qu'en fait, j'aurais été juste avec Clémence. Ça aurait été une discussion, je sais pas. C'est ça. Bah après, moi, je l'avais quand même moins mal vécu que toi. Vous avait pas inintéressé quand même? Non, ça m'avait pas inintéressé, mais en fait, moi, je me sentais pas en fait de faire le montage, de réécouter tout, parce que déjà, je me serais senti nul. Et en fait, c'était lourd. C'était un peu indigeste par moment. Mais pour moi, c'est que je suis pas du tout le public pour ce genre de choses. Et il y a un public pour ce genre de choses. Tu existes, tu es là pour le prouver. Mais je sais pas si je m'écoute. Ouais, c'est ça. Mais j'avoue que moi non plus. Enfin, Victor, c'est un peu le truc. C'est comme tu l'as dit dès le début, nous on avait l'idée de faire quelque chose d'assez assez léger. En tout cas, d'aborder les thèmes qui peuvent être lourds, mais de le faire à travers un prisme qui est vachement personnel et pas spécialement trop. Comment dire, à travers des connaissances ou quoi, parce que on n'a jamais eu la volonté de faire de la vulga à travers ce podcast. De toute façon, on n'a pas les connaissances pour faire de la vulga. Il y en a qui va te vexer, attention. Non, mais je veux dire, pour aborder tous les sujets qu'on a abordés, on n'est pas. Ah oui, les sujets qu'on a abordés, mais de toute façon, en plus, c'était aussi pour ça qu'on les abordait, c'était parce qu'on n'avait pas suffisamment de connaissances pour que ça devienne. Un cours et plus une discussion entre potes. Parce que pour toi, si t'as un certain niveau de connaissance, ça devient un cours. Clairement. Enfin, génial. Sinon, ça veut dire que en cours, je serais juste en discussion avec. C'est le rapport, parce que t'as des élèves devant toi, mais quand t'es avec ton pote, tu vas pas. Ah bah si, moi, désolé si je. Si le type en face n'a pas les... Enfin, je veux dire, si on est dans un débat, mais où en fait, il n'y a pas débat parce que l'un de nous deux est capable de le trancher parce qu'il a les connaissances pour le faire, autant qu'il le fasse, quoi. Y compris si c'est toi qui te fais trancher. Oui, bah oui, pourquoi pas, enfin... Mais qu'il vienne le mec qui me prend. Je suis pas sûr qu'il existe. Mais non, mais de toute façon, ça c'est le truc, là, dans la question du MBTI... préférez-vous vexer quelqu'un ou connaître la vérité ou je sais pas quoi. Moi je préfère ça me dérange pas du tout de qu'on me dise écoute Adam là non en fait on a la science a des réponses à un truc et ok pas tant mieux. Je suis même content parce que du coup on a apporté des réponses à mes questions. Et du coup, le débat... Enfin, tu sais, on va pas perdre 4 heures à débattre d'un truc qui a déjà été tranché, en plus. Donc, et je sais que j'ai un pote qui fait beaucoup ça, Quentin. Quand on discute d'un sujet, s'il le maîtrise pas assez, il va me dire, ça sert à rien parce qu'on n'a pas... J'ai pas les connaissances pour en débattre. Et voilà, on va juste dire des conneries... Et je trouve ça très sain. Mais bon, bref. Mais oui, déviation, c'est plutôt. Après, est-ce que digression, ça aurait pas pu être vu plutôt comme une espèce de retour sur un sujet qui aurait été fait de déviation? Mais une espèce mais de. Mais l'approfondir. Ouais, une espèce de retour approfondi avec quelques concepts ou quelques. Bah pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. Après, il faut faire des tests, quoi, c'est ça. Je sais pas. Après, à toi de mener le projet, quoi. Ouais, alors peut-être pas maintenant, mais. Écoute, c'est pas comme si t'avais pas de temps, t'es prof, t'as juste quelques cours à préparer, t'as ta thèse à faire aussi. Bon, rien de bien méchant. Voilà, et bon. tu fais du montage, podcast, voilà. Bon. Mais... Magic. Oui, oh, putain, Magic. Péter des mecs sur, sur Magic Arena. Oui, oui, oui, là, je veux continuer. Mais je veux vraiment, il faut des thunes dans ce truc. Hein. C'est... J'ai créé un monstre. Tu as créé un monstre. Mais c'est fou parce que des fois, même je me souviens, là, j'y ai joué à... je me lève à 6h du mat des fois pour prendre mon train. Mmh. Et genre, je me lève à 6h du mat, je fais, bon, allez, allez. J'ai le temps pour une partie. Et voilà. Et puis après, j'oublie de faire des photocopies pour les élèves. Et puis après. Et tu dis quoi? Ouais, non, ça marchait pas ce matin. Non, non. Bah après, c'est juste que je suis plus en panique. Et non, non, là par contre, je vais arrêter de le faire parce que. Ah, tu te fais des coups de pression tout seul après. Bah, et puis après, ta classe elle est ingérable quand ton truc est. Ouais. Enfin, quand tu l'as. Il est préparé, mais un peu de dernière minute et que t'as pas eu le temps de revoir ce que tu disais et que tu découvres ton cours au moment où tu le fais. Alors, et qu'en plus, en tête, t'as des anges qui t'abassent des. Oui, c'est ça. Et... Non, mais jouer à Magic, mais jouer à Magic avec modération. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Magic c'est un jeu de cartes fabuleux, incroyable. Avec moult possibilités. Et là, nous t'abandonnons pour aller chercher de l'eau. Voilà, alors là, chercher de l'eau. Oui, je veux bien de l'eau. Bah écoutez, je vais parler tout seul et faire un immense monologue. Ce sera probablement coupé de toute manière. Waouh. Et donc, car Victor en apporte. Voilà, c'est ce que je voulais faire depuis le début. Le moment ASMR. Vous vous sentez détendu. Je crois que je vais m'endormir si tu fais de l'ASMR, par contre. Mais en tout cas, ouais, ce projet-là, c'est vrai qu'on en avait pas mal parlé en plus avec Adam, parce que, pour la petite histoire, c'est vrai que les premières émissions qu'on a fait avec Adam, bon déjà, nous, on se cherchait beaucoup sur ce qu'on voulait proposer, on se cherche toujours d'ailleurs, mais un peu moins, mais voilà, Adam, il y avait aussi un peu ce truc où t'étais pas forcément à ta place, parce qu'on avait tendance à dire, toi t'arrives, oui, alors bonjour, définissons, non, Adam, disons qu'on t'a mis quelques stops de temps en temps qui à juste titre ont pu te frustrer et du coup c'est pour ça qu'on a voulu trouver une émission où toi tu pourrais t'éclater et juste te faire plaisir quoi. Et bon du coup ça donnait un test qui n'a pas marché mais... bah, et surtout que du coup l'invité a perdu de son temps Oui. Après, bon, c'est... Enfin, bon, elle a passé quand même un bon moment. Hein. C'était, oui, oui. Et puis c'est que partie remise parce que je pense qu'il y a plein de sujets sur lesquels on pourrait faire des choses avec elle. Voilà. Oui, bien sûr. Bah, de toute façon, là, on a quand même à cœur de relancer une saison de déviation qui soit un minimum régulière. Je sais pas encore à quel niveau. Il faudrait qu'on essaye de se caler au moins. Se fixer des deadlines à chaque fois. Ouais. Un rendez-vous. Oui, voilà. Un rendez-vous au moins pour nous, pour qu'on puisse se choisir une date, je sais pas, une fois tous les mois ou tous les deux mois. Après, ce qui était pas mal, c'est un peu le modèle des ceux qui font des gros podcasts, c'est d'enregistrer assez intensivement dans un laps de temps réduit et de faire le montage sur un long terme, quoi. C'est ça. Après, c'est vrai que le montage, c'est un truc qui m'amuse un petit peu, mais qui est vite indigeste. Genre, je vais faire du montage, en gros, je vais peiner à me décrocher du truc, je vais en faire pendant 4 heures d'affilée, et puis ensuite, je vais plus avoir envie d'en faire pendant 2 semaines. Ouais. Et puis, c'est pas un peu... Enfin, je sais pas si t'es comme ça quand tu travailles, mais moi, je sais que je suis un peu un bulldozer au début, je suis très efficace au début du travail. Et après, dès que c'est sur des petites finitions, des petites... là, j'en ai marre et je fais rien. En fait, moi, c'est un peu l'inverse. C'est pour ça qu'on travaillait bien ensemble. Oui, c'est ça. C'est que le truc, là, c'est que je peine à me mettre dedans. Mais par contre, quand je suis lancé, je peine à m'arrêter. Mais par contre, là, je parle de montage parce que c'est un peu du plaisir et je le fais pour mon loisir et c'est pas un truc que je fais par contrainte. Mais sinon, j'aurais jamais l'attention et on va dire la ténacité pour continuer. Là, c'est vraiment parce que c'est quelque chose qui me plaît à faire, tout ça. Hein. Voilà. Bah ouais, mais du coup, mais c'est vrai que le montage, c'est quand même beaucoup de taf. Je pense que les gens qui sont pas dedans peuvent parfois peut-être pas trop réaliser. Déjà le montage visuel, enfin, c'est très très important, mais le montage audio est, enfin, c'est du boulot quoi. Je veux dire, couper le milliard de E qu'on en prononce tous, couper les bruits parasites, essayer d'ajuster les sons pour pas qu'il y en ait trop fort. Enfin bref, il y a quand même du boulot. Et surtout aussi, je suis pas professionnel là-dedans et du coup c'est laborieux pour moi de le faire. C'est pas quelque chose. C'est quelque chose que certainement quelqu'un de mieux formé et tout ferait de manière plus efficace. Moi là, je le fais. Mais après, c'est vrai que y a peut-être aussi un côté un poil trop perfectionniste dans ce qu'on veut proposer, même au niveau du montage, parce que c'est vrai que quand même tu donnes un rendu qui est extrêmement propre et c'est très très propre. Mais peut-être que justement, des fois, il faudrait qu'on soit un peu, qu'on laisse nos E, tu vois, et qu'on essaye juste de vivre avec, j'ai envie de dire. Bah là, je pense que on va être obligé de le faire vu que c'est un enregistrement. Bon, l'avantage, c'est qu'on va pas perdre de. C'est ça. D'auditeurs, mais C'est ça. on salue nos trois auditeurs fidèles. Ne partez pas, Voilà. s'il Paul, on sait que t'es là. Salut mon pote. Tu l'as fait combien de fois cette vanne depuis aujourd'hui? 3 fois aujourd'hui, alors que je ne l'avais pas faite depuis environ des mois, quoi. Moi, ça m'énerve parce qu'à chaque fois que je la fais aux gens, ils n'ont pas la ref. Alors qu'elle est tellement bien cette ref. Aïe, aïe, aïe, aïe. Michel Drucker. Il va tous nous enterrer. Hein. Il va Mais nous du enterrer. coup, c'est con parce que quand il va mourir, il n'y aura personne pour dire salut mon pote. Et il n'y aura pas un Si, vivre le il y dimanche aura le avec sosie de Johnny, comment, tu sais, celui Johnny Cadillac. qui donne des annonces sur Facebook pour. Mais. Par contre, je pense que vraiment quand il va crever, il y aura. Enfin, je sais pas s'il sera au Panthéon, mais enfin, ça va faire presque comme Johnny, hein, je pense. Bon, déjà, quand il va crever, la Terre, aura plus grand monde dessus, je pense. Oui, mais si ça se trouve, lui, en fait, c'est juste un genre d'extraterrestre, tu sais, qui est là juste pour observer, Ouais, et mais juste filtrer. observation active quand même, là, Ouais. en l'occurrence, hein. Mais Avec la en reine fait, le d'Angleterre, dimanche, c'est un canapé de sociologue de terrain, en fait. C'est juste. Sacré Michel. Ouais, non, en tout cas, le PAF, comme on dit, sera en deuil. Pourquoi on appelle ça le paf? Paysage audiovisuel français. Putain, t'es si intelligent. Mais Non. c'est comme faf, je savais pas, C'est moi je moi qui disais te l'ai pas. Ah appris. oui, c'est toi qui me l'as appris. Parce que pour moi, à la base, c'était genre un dérivé de facho, mais Ouais, mal dit, déformation, voilà. ouais. Et en fait, non. Oui, Juste en gros, France aux Français, quoi. voilà, c'est les initiales de France aux Français. Mais Oui, du ça, coup. vous savez. Ce qui reste devinable, j'ai envie de dire. Oui, ça. Mais Enfin, ils ont pas allé chercher non plus un du coup, slogan. je trouve que ça donne un petit peu, tu sais, une nuance de l'extrême droite. 50 nuances d'extrême droite. Je trouve que ça fait. C'est que Enfin, ça moi, n'excite quand je pas, c'est pense tout. France aux Français, je pense plus le type. Déjà, ça fait années 60, quoi. Ça fait un peu l'époque de la guerre d'Algérie pour moi. Ouais, genre un peu réac, mais bon. Oh, quand même, hein. Non. Oh, quand même, moi, ça fait bien facho, hein. Ah ouais, ah, pour Moi, moi, ça Faf, fait ça. justement, c'était un facho un peu moins. Mais n'hésitez pas à laisser dans les commentaires votre avis. Putain, un facho modéré. Je vois, Les tu sais que degrés de facho. je vois bien un présentateur télé faire ça. Non, mais nous, on représente le fascisme modéré, comme il y a la droite modérée, la droite dure et là. Et donc après ce magnifique projet, ou avant, je sais plus, il y en a quand même aussi d'autres projets avortés. Il y a un projet quand même qui pourrait voir le jour, je pense. Enfin, il faut que j'arrive à convaincre Victor, mais un jour j'y arriverai. C'est de faire le podcast en live, avec une possibilité d'interagir avec des gens. Pas comme ça, Victor. Et là, je pourrais pas tricher sur les Il E. faudra quelqu'un pour gérer le chat de deux personnes, Oui, ce c'est qui est quand ça. Et le même. problème, ça peut pas être toi, parce que toi, tu vas nous faire chier, tu vas nous reprendre, et du coup, tu pourras pas t'auto-censurer. Ou alors, tu crées deux comptes, et il y a un compte qui nous emmerde, et l'autre compte qui fait, oh, tu vas te calmer. Moi, ce qui me dérange là-dedans, en fait, bon, très théoriquement, c'est d'être un petit peu. Tu vois, même. Imaginons, on a des gens qui nous posent des questions. Déjà, faudrait y arriver. Le truc, c'est, je me dis. Est-ce que ça cadrait pas un petit peu le rythme de nos discussions, quoi? Ou en fait. Ben en fait, je pense qu'il ne faut pas voir ça comme quelqu'un. Enfin, après, nous, c'est un peu compliqué parce que c'est sûr qu'il y aura deux personnes dans le chat. Mais l'idée, Oui. ce n'est pas de voir ces deux personnes comme faisant partie intégrante du podcast, mais plus qui vont être là et qui vont potentiellement lâcher des idées qui peuvent être pertinentes, tu vois. Oui. Moi, il y a un podcast, alors ça parle du Magic, en plus, je suis désolé de reparler de ça après l'intervention d'Adam, mais le podcasteur Mage, alors j'ai pas trop écouté, mais eux le font sur Twitch, j'ai déjà pu voir quelques lives, et tu vois, ils parlent à deux ou à trois quand ils ont invité, et de temps en temps, ils vont reprendre, si tu veux, une remarque, une question du chat, mais c'est pas toutes les questions et c'est pas toutes les remarques quoi. L'idée c'est juste que des fois tu peux enfin on peut tous les deux passer à côté de certains points qui peuvent être intéressants tu vois. Je pense par exemple au podcast qu'on a fait sur Mass Effect. Il y a des moments où on a fait un peu des allers-retours, des zigzags et tout, et c'est normal parce que on est dans la discussion et dans le on débite pardon. Oula, j'ai failli dire certaines choses, mais du coup ça peut être cool d'avoir cette interaction en plus. Et c'est un exercice qui en plus peut être sympa quoi. Non, en vrai, je suis curieux, mais c'est juste que, en effet, c'est. Ouais, qu'est-ce que t'en penses, Adam? Bah, j'en pense que j'étais sur mon téléphone au moment Voilà, parce que ça, où. Ouais. c'est le problème de notre temps. Les jeunes, ils sont Oui. toujours sur leur téléphone. Qu'est-ce que tu vas faire s'il y a des gamins qui se comportent comme toi, mais en cours? Ben, en fait, c'est déjà le cas, mais. Et tu réagis comment? Yes, voilà. En fait, c'est un peu le problème, c'est que des fois, j'arrive facilement à voir, parce que les gamins sont vraiment très. Enfin, pas cons, mais. Très discret. Ouais, pas discret, et il y en a, genre, je sais qu'il y en a une fois, je me suis mis exprès devant elle, elle était vraiment sur son téléphone, quoi, et elle a mis bien une dizaine de secondes avant de lever la tête et de se rendre compte que bah, j'étais en train de la regarder, quoi. Voilà, j'ai trouvé ce. Mais bref, du coup, quand je les remarque, bah, je dis, je préviens une fois, que la prochaine fois, je confisque le téléphone, sinon, voilà. Est-ce que tu as déjà confisqué un téléphone? Oui, je les confisque. J'en ai confisqué quelques-uns, je les mets sur le bureau. Au début, il y a quelques résistances, et puis voilà. Mais maintenant, il y a une classe, je leur fais mettre le téléphone sur la table et retourner, parce que du coup, c'est beaucoup plus facile. Parce que s'ils prennent, je le vois direct, alors que quand c'est dans leur poche, bah, souvent ils arrivent à le faire de manière oui, plus discrète. Et puis une fois sur deux, le truc qui m'insupporte, c'est que je crois en avoir chopé un, et en fait, bah, il était genre en train de regarder son agenda ou en train de frotter son jean. Je te vois Et bien du débarquer coup, derrière le porte-manteau comme ça. et tu vois dans son œil la joie de m'avoir décrédibilisé face aux autres, genre, eh non! Tu ne m'as pas eu. Et où il peut dire, il est Tu risques sacré, gros. il est sacrément hystérique. Voilà. C'était mon histoire. Ok. Et quand même que c'est l'histoire de la vie. Mais non, par contre, il y a un cours sur le lien social lié au numérique, et où je le commence en disant, ah bah, vous devez tous avoir. Un repas de famille, un oncle qui vous nie, ah ces jeunes tout le temps sur leur téléphone, ils se coupent du monde et tout. Eh ben bienvenue, ce cours est pour vous. Voilà. Et où je leur montre que en fait le numérique, mais je crois que je te l'ai dit, d'une certaine manière, il contribue au lien social parce que bah tu maintiens le contact avec tes proches, ce que tu pouvais pas moins faire en tout cas, par exemple avec les lettres ou avec juste le téléphone appelé. Il permet de réactiver des liens sociaux anciens, type donc avec mince, comment ça s'appelle, copain d'avant là? Oui, voilà. Créer des liens faibles avec LinkedIn, voire créer des liens sociaux plutôt forts dans par exemple une communauté de jeux vidéo où on se lie d'amitié avec le type qui est dans notre guilde ou enfin voilà. Et donc Voilà, enfin, il n'y a pas que des mauvais côtés. tout ça pour dire, est-ce que déviation sur Pardon. Twitch, j'en sais Oui. rien, ou Je sais même pas en comment je suis live. arrivé là, mais. Ben, moi, c'est toujours ça, en fait. Il y a toujours un mot qui est lancé, qui se transforme en cours, et Non, ça. mais ce qui est fou, c'est que tout revient à toi, enfin à prof, quoi, tu vois. Oui, bah, désolé, mais je le sais. J'essaie de me contenir, mais c'est difficile. Mais non, t'inquiète. Mais du coup, déviation Non, sur mais Twitch. si ça se trouve, en plus, après, quand je parle, les gens disent. Oui, t'es quand même chiant là. Non, tu serais pas là, c'était des chiens. Bah en fait, si tu veux, toute l'émission Déviation n'est qu'un immense plaidoyer pour pour ce truc, où on peut faire écouter au monde entier, genre, vous vous rendez compte à quel point il est chiant? Bah maintenant, vous le savez. Non. Donc, réponds à notre question. Tout de suite. C'était quoi la question? Putain, mais... non, je rigole. Oui, Twitch, ouais, ce serait rigolo. Yes, bah écoute, merci, t'as fallu 20 minutes pour... Bah, je sais pas, après, oui, il faut trouver quelqu'un pour modérer, je sais même pas. Mais après, c'est qu'il faut le communiquer aussi aux gens. Comment tu le communiques à ta communauté, si ce n'est sur Discord, sachant qu'il y a des gens qui ne savent même pas, en fait, qui sont sur le Discord. Bah, venez sur Discord, si vous passez par là. Et restez-y, s'il vous plaît, partez pas... Ouais. C'est comptez que sur vous pour communiquer avec des gens, parce que nous on le fera pas. Non, après c'est sûr que, enfin, mais dans les prochaines étapes, déjà il y a passé par, je dirais, peut-être avoir un rythme régulier, ce serait déjà pas mal. Mm-hmm. Mais à terme, c'est aussi créer une communauté, même si elle est pas grande, l'idée c'est pas de toucher des milliers de personnes, mais même si on a que quelques personnes, c'est d'arriver à avoir, c'est un peu l'idée du Discord, d'avoir un truc un peu fédéré. Mm-hmm. Et dans ce cas-là, les streams ça a du sens, parce que même s'il y a que 5 personnes. Oui. Bah, s'il y en a deux qui viennent de temps en temps sur le stream, c'est cool, tu vois. Oui, mais du coup, c'est pourquoi ne pas faire intervenir des auditeurs, tu vois, je sais pas à quelle fréquence ou sur quel laps de temps dans le podcast, mais ouais, ça, genre, ou même juste pour pour le découvrir, dire bah bonjour, comment tu t'appelles. Non, mais voilà. Ça ce serait peut-être une évolution cool, mais déjà il faut commencer par la base, je pense, tu vois. Mais en vrai, c'est déjà un petit peu ce qu'on fait avec des gens, des amis qui nous écoutaient, oui, et qu'on a fait intervenir parce que voilà, ils avaient des choses intéressantes à dire et qu'on fera encore. Oui, après, c'est vrai qu'il faut connaître la personne un minimum avant de. Oui, c'est ça, ça évite des dégonds nus. Mais. mais non, non, c'est plutôt, c'est en effet le côté interactivité m'intéresse beaucoup, en effet, parce que ça peut nous ouvrir l'esprit déjà sur des choses qu'on aurait voilà, qu'on pourrait laisser de côté. Mais non, c'est quelque chose qui verra peut-être le jour, mais en effet faut se concentrer sur des choses plus concrètes déjà qu'on n'a pas forcément atteint déjà. On va les atteindre. Mais oui. Déjà, on a aussi plus récemment là, ce qu'on a fait de plus récent, c'est qu'on s'est lancé dans un format un petit peu différent, un format donc l'air de repos où c'est plus du coup orienté sur. Que j'ai pas encore écouté. Ou tu l'écouteras pas. Oui, c'est vrai. Mais je disais ça par politesse, genre je l'ai pas encore écouté, sous-entendu je l'écouterai, mais qu'en fait vous avez bien compris que ce sera pas le cas. Voilà. Pardon. C'était pour te faire passer comme good guy auprès de nos auditeurs. Voilà, exactement. Alors que tu ne l'es pas. Non, le. Oui. Donc l'air de repos qui fait que. Enfin, qui est un format sur lequel on discute de quelque chose qui nous tient à cœur en général. Bah, ou qui on essaye, ouais. Pour l'instant. Ou qui pourrait ne pas nous tenir à cœur, justement. Quelque chose qui. Un avis qu'on partage en général. Ouais, l'idée c'était d'arriver quand même à rester un peu dans des déviations, en pouvant parler de sujets qui nous parlent, ouais. C'est un peu compliqué de définir pourquoi on a voulu faire quelque chose de différent. Mais je pense qu'en écoutant le premier épisode, vous comprendrez la démarche un peu. Oui, la différence qu'il y a entre les deux, ouais, voilà, les deux formats. Ou déviation, même tout à l'heure, ça va être un peu l'encontre de ce que je disais tout à l'heure, mais il y a quand même un côté où on essaye quand même un peu de débattre, en tout cas d'apporter un point de vue. Là, dans l'air de repos, bah, c'est vraiment chill, quoi. C'est juste on kiffe, et on... Mm-hmm. En tout cas pour l'instant, dans l'idée. Vu qu'on a fait le premier épisode sur Mass Effect, voilà. Je ne vais pas en dire plus, parce que sinon Victor... Quoi ? Victor est lancé. Hein ? Mais il y a tellement de choses... Enfin, je veux dire... en fait, c'est venu d'une discussion, enfin de plusieurs discussions qu'on a avec Victor, où on s'est dit, il me disait, ouais, mon collègue serait chaud pour discuter, et pour discuter de fantasy. Je dis, ouais, ça va être trop cool, mais déviation, bon, c'était pas ce qui s'y prête. Parce que voilà, on voulait faire un truc chill, après on discutait des œuvres qu'on aimait, et on est arrivé à se dire, ben on veut le faire, mais sous notre format. Ouais. Et, comment le faire différemment? Et voilà, là je pense honnêtement, ce qui nous manque vraiment, c'est d'arriver à trouver peut-être un rythme de croisière qui sera pas forcément intense. Je veux dire, on sera jamais, je pense, à publier toutes les deux semaines, quelque chose comme ça, mais d'arriver peut-être à trouver une certaine régularité qui permette de construire le projet de manière un peu plus carrée, je dirais, je sais pas. Parce que les idées, c'est pas ce qui manque pour le coup. Enfin, là, on a évoqué avec Twitch, on a évoqué l'air de repos. le projet avec Adam, Déviation en lui-même qui a quand même pas mal évolué. Enfin, les projets, je pense qu'on en a à l'appel, il n'y en a plus encore dans le placard, il y en a certains qui ont déjà avorté et d'autres qui avorteront, c'est sûr. Mais peut-être il manque un poil de je sais pas, de rigueur. Et c'est quelque chose qu'on peut insuffler, je pense. Ouais, je pense qu'on peut l'insuffler, ouais. Mais c'est vrai que en effet la rigueur c'est pas forcément quelque chose qui nous caractérise, quoi. Voilà. Non mais justement je trouve ça intéressant parce que on va pas se mentir. Enfin, là ça va faire très très philo de comptoir ce que je vais dire, mais le projet qu'on a créé il reflète quand même vachement aussi un peu nos qualités et nos défauts, tu vois. C'est-à-dire que on est arrivé dans un truc où on a plein d'idées et on peut, je pense, s'accorder ça qu'on a quand même été assez créatif dans ce qu'on a voulu lancer, parce que on a quand même lancé pas mal de projets différents, beaucoup d'émissions différentes. On a toujours voulu rajouter des petites choses. Je veux dire, On se sentait toujours limité dans ce qu'on c'est faisait, ça, du coup on voilà. a eu besoin de Les créer d'autres choses. émissions ont finalement toujours évolué. Il y a eu bien sûr l'ajout du générique, mais même au-delà de ça, il y a eu l'ajout d'un plan, parce qu'au début on n'avait pas de plan, tu vois, on y allait comme ça. Oui, c'est ça. Enfin, des ajouts, il y en a eu à chaque fois, et on a toujours cette volonté de créer. Mais à côté de ça, on va pas se mentir, ouais, on a été porté par la passion, et je pense que c'est cool, mais le reste. Qu'est-ce qui te fait rire? On a toujours eu. Tu sais, ça fait très. Tous les artistes, tous Je suis Christophe Maé dans mon les types. Enfin, Elon Musk ou les machins. À chaque fois que tu leur parles de ce qu'ils ont créé, c'est. Bah, moi, en fait, j'ai toujours voulu quelque chose, alors que, en fait, ça. Enfin, ça s'explique, quoi. T'es pas né en. Je sais pas pourquoi je dis. Qu'est-ce que tu essayes Je sais d'exprimer? pas où tu pars, mais. Je sais pas. Non, mais bref, c'est je trouve une phrase un peu de start-upper qui me fait Ouais, je marrer. sais. Ou d'artiste Non, mais je l'ai prévenu dès le début. En fait, type les assez doux, tu vois. mais c'est là, en vrai, c'est une petite aparté, mais c'est un truc intéressant aussi, c'est que je pense qu'il faut pas interdire, enfin, c'est peut-être mal dit ce que je dis, mais il faut pas interdire les phrases de start-upper parce que c'est des phrases de start-upper, tu vois. C'est-à-dire que certaines peuvent avoir du sens dans un temps donné. Tu l'écoutes là? Pas du tout. Oui, si, je t'écoute. Et que faut pas décrédibiliser le propos sur les termes, La mais forme. plus sur le contexte et la manière dont c'est dit. Et voilà, c'était ma petite C'est aparté. ça, parce que si on laisse des phrases comme ça aux start-uppers, Ben tu vois, voilà. si on laisse le drapeau français à l'extrême droite, tu vois, hein, C'est bon, vrai. hein, voilà, hein, bon. Alors qu'on pourrait en construire un nouveau. Oui, et eh ben voilà, mais il faudrait. Mais voilà. Il faut pas laisser les phrases un peu niaises aux start-uppers parce que c'est pas que des trucs de start-up parfois. Exact. C'est vrai. Comme par Comme. exemple, Je peux je faire sais un pas. audit ASO pour voir si les screenshots sont marketés. Ouais, Bon, dès qu'il y a des voilà. anglicismes, là, c'est mort. Non, mais. Non mais par exemple, enfin je conviens à mon aparté, mais tout ce qui concerne le créatif, en vrai aujourd'hui c'est très compliqué de s'exprimer dessus parce que t'as quand même un a priori de malade dessus qui te fait passer pour un bobo ou pour un start-upper, on va pas se mentir. C'est très compliqué de dire par exemple, je trouve, sans passer pour un bip, de dire bah, oui, moi j'aime créer, enfin juste de dire j'aime créer, tu vois, ça fait de toi un mec qui porte une écharpe et qui a un pull sur les épaules, tu vois. Bah déjà le fait que t'aies dit bip au lieu de dire une grossièreté, Mais c'est parce que je c'est trouvais pas la bonne déjà. insulte, tu Ah d'accord. Ah oui, t'en es là. vois. Un sac à merde. Un sac. Exactement. Mais oui, Mais c'est marrant parce que c'est finalement ce qu'on fait un petit peu avec Victor, hein, dès qu'il y a quelqu'un qui crée quelque chose, mais qu'on est trop aigri pour l'apprécier, que. c'est vrai, c'est vrai. Parce que juste pour une petite. Genre, demain, il y aurait un groupe de musique qui ferait de la bonne musique, mais juste qui s'appellerait Requin Chagrin ou Banane Toucan, tu vois. Ça, juste, ce serait énervant. D'ailleurs, j'ai découvert que, parce que moi, ça me. Enfin, il y a en effet un groupe qui s'appelle Requin Chagrin, et ça nous avait fait rager cette vague de noms de groupes français où tu prends deux mots en français et tu les associes sans. Voilà, Thérapie Taxi, Bleu Bleu Toucan, tout quoi. Requin Chagrin. Mais j'ai découvert apparemment, et ça, Jonathan, tu vas peut-être me dire que Requin Chagrin, c'est une vraie espèce de requin, ou un nom vernaculaire d'une espèce de requin. D'accord, bah je savais pas, mais Google existe, alors n'hésitez Voilà. pas à Et aller voilà. vérifier. T'es biologiste marin et tu sais même pas ça? Ah ouais, mais l'océan est grand, Adam. Oh là là, ça c'est une Il y a 2000 espèces et tu connais même pas celle-là. Mais vraiment, mais t'es nul! Il y a combien d'espèces de poiscailles ou de. Juste de Mais attends, marine. ça je vais faire aussi une aparté, mais c'est franchement, quand tu dis que t'as fait de l'océanographie, tous tes potes vont sur la plage et disent, mais du coup c'est quoi comme coquillage? Mais tu sais pas, mais t'es nul! Mais faut savoir un truc, c'est que en vrai on apprend très peu le nom des espèces, ça vient plus de nous-mêmes, de notre culture G, quoi. Mais ce qu'on apprend, c'est plus limite de la physique et de la bio et de la géologie, enfin de la chimie, je veux dire. Oui, pour l'océanographie, mais t'as quand même une licence de bio marine quand même. Ouais, mais ça, honnêtement, à part disséquer des roussettes, donc les requins, et compter les piafs. Voilà. Ça avait l'air quand même sacrément sympathique. Pourquoi j'ai pas fait ça? Que t'as fait pire? En tout cas, on embrasse. C'est vrai. C'est vrai. Eh bien, donc. Non, mais écoute, moi je vais revenir sur le côté artistique. Je vais pas laisser passer ça, d'accord? Non, je rigole. Alors, revenons sur l'artistique. Voilà, revenons sur le requin chagrin, qui est donc une espèce de requin moyen de l'Atlantique, la Méditerranée, l'océan Indien Ouest et le Pacifique Ouest, à 5 paires de fentes branchiales et à 2 nageoires dorsales avec Attends, épines mais brunâtres. est-ce qui veut dire que si ça se trouve, le thérapitaxi, c'est une espèce de taxi? Exactement, c'est possible. T'imagines quand même que sur ta page Wikipédia, il y a écrit moyen. Genre, requin moyen. T'imagines, Non, mais au on moins met. t'as une page Oui, mais Wikipédia. t'imagines, on met Adam moyen, tu vois. Genre. Bah, surtout les Adam qui existent, franchement, ça va, mais Mais c'est pas. pas plus, quoi. Il faut le dire, là, on se trouve dans une ville dont la principale rue commerciale s'appelle la rue moyenne. Voilà, c'est tout. Attention, parce qu'on va savoir où tu habites. Attends. Exactement. Je crois qu'on l'a déjà dit, hein, en vrai. Voilà. Mais. Comment ça se fait qu'il n'y ait pas encore des groupies devant ta porte? Exactement. Exactement. Est-ce que c'est quelque chose dont on a envie, déjà? Je suis pas sûr. Bah déjà, je pense que, en vrai, même si une personne, mais imaginons une personne nous reconnaît dans la rue, même juste nous salue de la main, je Ouais. pense que, avec Victor, ce On serait implose. trop. Ouais, On ce serait implose. trop. Ce serait, oh, on arrête tout, c'est fini. C'est fini. Stop. Alors que Adam, pour le coup. Je vous vois bien direct vous shooter à la coke la célébrité vous avez. Avec des lunettes de soleil comme ça, t'arrives dans la salle, on est comme ça, putain, Adam, ça va pas. Oui. Alors que c'est vrai que moi, ça me monterait vite à la tête. Bah, Mais moi, déjà en qu'il t'en faut fait. peu. Mais c'est ça, je me demande ce qui fait que. Enfin, bon, j'ai un énorme melon, mais il y a quelque chose qu'il contient quand même, parce qu'il pourrait être pire que ça. C'est vrai. Et. Je pense que c'est vous qui le contenez un peu quand même. Oh, c'est beau. Non, C'est gentil. Il je côtoie rigole, c'est. la plaine pour rester. Non, en vrai, la seule chose qu'il contient, c'est le fait que ce soit pas socialement valorisé, le fait d'avoir un melon. Ça dépend, non? Il y a quand même des mecs genre Elon Musk qui sont quand même bien vus parce qu'ils ont d'énormes melons, tu vois. On les considère Tu intelligents parce qu'ils ont trouves qu'il a un gros. melon? Un peu quand même. Hein. Je sais pas, j'ai Tu suis pas son jamais. compte Twitter, toi. Ouais, peut-être, c'est vrai. Ah non, il a un ego surdimensionné, mais la plupart des mecs quand même assez Ouais, non, tu connus me et diras ça. appréciés ont un énorme Macron. ego, hein. Ouais. Macron, il a un putain d'ego. Ben oui. Non mais en fait, d'avoir un gros ego Blanquer. quand t'es puissant, c'est plutôt bien vu parce que ça montre que T'as t'as des confiance en balls, toi quoi, et tu que vois. t'as. Après, c'est mal vu quand t'es pas puissant, parce que ça fait juste de toi un mec qui se la pète pour rien, quoi. C'est vrai. Et Oui. là, t'es encore au stade où t'es pas assez connu. Mais quand tu seras puissant. Quand je serai passé professeur principal des secondes Tu vas le voir arriver, il va mettre une musique. Genre, gros orchestre avec une cape. comme un méchant de shonen. Allez. Ouais. Mais d'ailleurs, souvent, j'ai l'impression qu'avec Anna, on se dit que notre vie, c'est un peu un shonen, quoi. Plusieurs fois dans les discussions, c'est revenu que tu nous Ah disais bon? ça. Ouais. En quoi c'était un shonen? Bah, qu'on affronte. Bah, je sais plus à quel moment tu m'avais dit ça, mais dans la conversation, je me souviens que c'est revenu plusieurs fois. Cette notion que peut-être c'est les méchants un peu nuls, tu vois, le pouvoir de l'amitié, ce genre de conneries, tu vois. C'est vrai que ce qui nous maintient, c'est le pouvoir de l'amitié avant tout. C'est vrai. Bah, finalement, tu vois, si on était dans un shonen, si tu étais l'héros, je précise si, hein, parce qu'on sait jamais, mais. Bah, tu vois, nous, on serait un peu tes amis, tu vois, tu vois, ils essayent de participer genre au grand tournoi, tu vois, mais ils se font défoncer dès le premier round. Mais en même temps, tu vois, ils sont là dans les tribunes, ils sont défoncés, et puis ils font, vas-y, Adam. Et voilà. Et toi, tu te fais défoncer à la première ronde, mais t'as oublié. On aurait tous un quart de smiley sur la main. Oui. En fait, ce serait un petit peu, genre, tu vois, le jeu de cartes, ce serait magique. T'es vraiment meilleur que moi, sauf que dans l'histoire, comme c'est moi le personnage principal, forcément, tu te ferais défoncer, mais je gagnerais grâce à tes conseils. Et à la fin, bah, au final, c'est quand même moi qui gagne, quoi. C'est pour ça que c'est une fiction, hein, non? Oui. Non, par contre, tu ferais des... Genre, vous feriez des commentaires sur des trucs... Moi, c'est ce qui me fait marrer dans les shonen, comme bah, c'est quand même pour des gamins. T'as des stratégies qui sont montées, qui sont présentées comme des stratégies de ouf. Alors que non. Genre, c'était My Hero Academia que je... Academia, c'est pour des devoirs... Oui, mais c'est pour ça qu'à chaque fois, je... Oui. Et merde, il est reparti. C'est fou, parce que, tu vois, même en disant rien, surtout pas. Tout seul, il y arrive, tu vois. Et du coup, je vous racontais la fois où j'ai lancé ses élèves sur ce site. Où il y a... putain, j'ai oublié son nom, mais un type qui maîtrise, je crois, la glace ou quoi. Et je crois qu'il y a un moment donné, il y a peut-être quelqu'un qui a l'idée de faire fondre la glace ou quoi. Et genre, il y a... y a toujours quelqu'un pour commenter dans le public, tu vois, c'est toujours le sidekick qui se fait combattre tout de suite, mais bon, qui quand même fait des commentaires, qui fait waouh, incroyable sa stratégie, en fait depuis le début il cherchait à faire fondre la glace. Oui, bon bah voilà, très bien. Oui, ça casse pas trop patin canard en général, les stratégies de shonen, quoi. Ou alors si tu le remets dans le contexte, c'est vrai, c'est tous les trucs genre Beyblade et compagnie, tu vois. Oui. Je me souviens quand j'étais gosse que je montais vraiment les toupies en fonction de... Parce qu'en plus il y avait des stats, mais complètement cons, sur chaque pièce où ils disaient « Ah oui, cette partie de métal en fait, elle est très bonne en défense, mais en attaque, machin. » Et moi j'étais là genre « Oui, là je vais mettre cette pièce de métal, ce truc qui... Voilà. » Parce qu'il y avait aussi le gamin qui se jetait par terre pour lancer sa toupie plus vite. Genre, ils se jetaient par terre ça. Pour voilà, en faisant... Ah, dans la cour de récré, tu veux dire? Ou dans le dessin animé? Dans le dessin animé. Dans la cour de récré, ce serait un peu con quand même. Ouais, j'avais jamais vu. Moi, dans la cour de récré, j'avais le... j'avais pas fait la comédie à ma mère, mais bon, en tout cas, j'avais réussi à obtenir la toupie, mais avec une espèce de batterie à l'intérieur, et j'avais le pistolet qui permettait de la faire tourner, ce qui fait que je gagnais chaque combat. Et t'en faisais beaucoup? Bah non, parce que je me le suis fait voler le jour où j'ai eu ce truc et que je l'ai amené à l'école. Bah évidemment. Évidemment. Du coup, en fait, t'as gagné un combat. Bah voilà, j'ai gagné quelques combats la première récré, et puis la récré d'après, j'ai fait quel est le... Voilà. Moi, je me souviens que du coup, à l'accueil de mon école, ils avaient sorti des bassines. Tu sais, des vieilles bassines comme ça pour que les gamins jouent au Beyblade dans les bassines. Et c'était triste à voir. Ça me fait penser au truc du JDG, là, où ils font la parodie de Beyblade, mais de commentateur Beyblade. Où... Ah bah non, voilà, arrivé au stade de je sais pas, de Poitiers, de Beyblade, donc les toupies à tourne. Voilà, elle tourne. Voilà, c'est marrant parce que quand je raconte le truc comme ça, ça paraît pas forcément drôle, et je sais que vous forcez à rire, mais sur la vidéo, c'est vraiment... Ça l'est. Moi, j'ai même pas fait semblant, je restais stoïque comme ça, je fais... Oui, bah j'ai bien... Enfin, j'ai pas vu parce que j'ai pas tourné la tête pour te voir, parce que j'ai... ça faisait trop mal. C'est mal. Mais... Ça fait mal. Ouais, Christophe, on t'embrasse. Tout dans nos cœurs. La création. Oui. La création. Non, mais moi, j'ai plus un prénom dit que je suis start-upper. Donc, La création monétaire. Non, parce qu'on peut... Stop. Oui. Sortez-le. C'est vrai que... Non, après, moi, je vais dire quelque chose, et puis libre à vous de m'insulter. Mais... Non, en vrai, ce qui a été peut-être un peu compliqué à trouver dans la création, putain, ça va vraiment faire cliché ce que je veux dire, mais c'est trouver peut-être un équilibre, parce que, désolé, c'est très très beau mot. Mais c'est vrai, parce qu'au début, on a voulu trop faire, en fait, donc j'ai un peu étayé mes propos, waouh, t'es fort. Non, mais à trop vouloir toujours tout recommencer, on n'avançait pas non plus, tu vois. Oui. Il y a un moment, il faut se donner un coup de pied au cul, finalement, le faire, et puis. À vouloir trop toucher les. Mais en vrai, les étoiles. Le soleil, on finit par se brûler. Non, attends, c'est quoi le truc? Allez, t'as raté ton occasion de briller. Allez, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Mais ça me fait chier non, parce que je me rends compte pas. Que tout notre processus de création, il est super cliché en fait. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut dire, genre sur les étapes que je dis là, quand on les sort, ça peut paraître intelligent quand tu es pas sur Facebook avec un loup derrière et un ciel étoilé. Mais sinon, ça a juste l'air très très con quoi. Mais on a chacun notre même ça, ça a l'air con. Notre croix à porter concernant la création où c'est chacun fait comme il peut. Je sais que en fait là où on s'entend bien avec Jonathan, c'est qu'on a un peu le même fonctionnement, c'est-à-dire que on a du mal à se lancer quoi. On fait ah bah c'est même plus un diesel là, c'est ça. Ah ouais. on crée des choses et puis on se dit ouais, en fait on crée pas de choses, on ébauche des choses, on se dit ouais, on pourrait faire ça et au final on se donne pas les moyens de terminer correctement. Et en fait, là, tous les deux, en travaillant de concert, en se disant « on n'arrive jamais à rien à terminer », on s'est donné un coup de pied au cul mutuel. Alors, anatomiquement, je ne sais pas comment on peut faire ça. À vous de voir. Imaginez-le. Mais, j'ai une certaine souplesse, sans vouloir détailler. Mais j'ai hâte qu'on dorme ensemble. Ah, oui. C'était le moment NSFW, c'est ça? Mais c'est ça, le tag sur Twitter, non? J'en sais rien, je le vois partout, mais je sais pas ce que ah ça veut dire. Je sais pas ce que tu fais comme compte, mon petit Adam, mais ça en général c'est plutôt alors, coquin. Ah bon? Oui. NSFW, ça veut dire not safe for work, genre que tu ne devrais pas regarder au ah, boulot. Ah donc j'avais raison, c'est des trucs de cul quoi. Oui. Principalement, ouais. Je peux, moi j'ai jamais vu parce qu'à chaque fois c'est des trucs, faut mettre la vidéo et je suis en coup ou je sais pas quoi. Heureusement, oui. Avec le son. Ah bah j'ai eu un virus sur mon téléphone. Je sais pas, c'est des potes qui m'envoient. Ça m'énerve parce que c'est tout des trucs Twitter avec à chaque fois. En plus, si ça se trouve, c'est même pas NSFW, mais c'est un truc genre avec des. Tu sais que t'as l'air vraiment boomer à dire NSFW. Je sais pas. Not mais safe en fait, c'est un truc avec un sigle où ils sont là, genre, c'est logique que je sais ce qu'il veut dire ce sigle. Moi, je. Non. Mais moi, j'avais compris par déduction que ça parlait de cul, parce que. Mais je savais pas ce que ça signifiait exactement. Moi, je croyais que ça avait, moi, déjà, plus, en fait, je croyais que ça avait un lien avec truc genre SJW. Pas pareil. Mais sans les cheveux bleus. Bah ouais, mais pas du tout. Non. C'est d'ailleurs, non, mais je vois plus du tout ce sigle-là. Non, ils sont tous morts. Bon, ils ont grandi, je sais pas. Bah maintenant. Non, en vrai, là, c'est vrai qu'on les voit plus trop passer. Mais par contre, sur Twitter, en vrai, je me suis surpris à voir à quel point c'était un réseau de cul. C'est-à-dire que, en fait, j'ai fait l'erreur une fois. Enfin, l'erreur. C'est vite dit. Non, en vrai, tu sais, de partir dans les recos ou d'un youtubeur connu qui retweet une photo, tu vas dans les commentaires, tu prends un compte fake ou même une meuf, tu vas sur son compte de compte en compte et t'arrives sur une phase de Twitter que je trouve fascinante où c'est que des vieux qui s'appellent Gérard, Didier ou comme ça qui ont une photo profil où on voit leur double menton vu d'en bas. Et qui vont commenter chaque fake, mais je te jure, chaque fake ou chaque meuf qui travaille du sexe ou quelque chose comme ça. Mmh. Et il va mettre un commentaire, hey, « Eh salut, je m'appelle Didier, voilà mon numéro, j'aime vraiment te voir. » Ou tout le matin, « Salut, tu es très belle aujourd'hui. » Et je trouvais ça tellement triste. Parce que c'est pas des fakes, les mecs, là, vraiment, genre, tu les vois, c'est... Enfin, c'est marrant parce que moi, c'est pas les trucs que je vois, mais c'est peut-être parce que moi, enfin, ce qui passe dans ma TL, en fait, c'est des... Bah, y a des travailleuses du sexe, mais qui sont... En fait, c'est juste des militantes. Enfin, juste, c'est des militantes, et du coup, c'est pour ça qu'en général, Et moi, j'en suis pas personnellement. Elle passe en matériel, et les trucs en bas, c'est genre, ah, t'es trop belle et tout. Et des fois, j'ai des potes qui m'envoient le truc de manière très innocente, genre, ah, oh, ouais, elle est trop belle, j'aimerais trop lui ressembler. C'est que, en fait, il y a sur le Twitter militant plutôt gauchiste, il y a pas mal de travailleuses du sexe. Ou de non-travailleuses du sexe d'ailleurs, mais de meufs qui sont mode body positive, postent des trucs plutôt nus, dénudés. D'accord, et tout. Okay. Et où du coup il y a la confusion entre il y a des types qui sont un petit peu en bave dessus et d'autres où en fait qui envoient juste des ah t'es trop belle, mais en mode Trop belle, c'est bien, t'es militante, comme Ah oui. militante, je te reconnais Mais quand après, même. moi, ce que D'accord, je trouvais assez hallucinant, c'est qu'il y a énormément de gens qui tentent de créer une relation que je trouve. Enfin, si tu veux, moi, j'ai rien contre les mecs qui payent pour genre l'OnlyFans et tout, enfin, les gens font ce qu'ils veulent. Mais ce que je trouve bizarre, c'est les mecs qui vont après, tenter de ça, créer c'est une subjectif. relation vachement un peu proche, mais en sachant pertinemment que c'est pas le cas. Tu vois, genre, comme je dis, les mecs, c'est que des mecs, ils ont l'âge de nos darons, et puis ils vont tous les jours saluer la meuf qui pose des photos d'elle et tout. Et je trouve ça un peu bizarre. Et c'est un peu le même délire avec ce que j'ai. Un peu le même problème avec les streams Twitch, c'est qu'ils font parler d'eux et tout. C'est pas que les femmes font ça, parce qu'honnêtement, elles ont carrément raison de saisir l'opportunité. C'est un peu la relation qu'ont certains viewers ou mecs avec ces personnes-là, parce qu'ils créent un truc un peu faussement intime, un peu malsain, je trouve, et pour eux. Je trouve ça un peu bizarre, quoi. Et j'aime un peu ça sur Twitter. Voilà. Oui, bah après je pense que c'est surtout, enfin, mais j'ai pas vu de, parce que tu sais il y a toujours des espèces de polémiques là autour de ces streameuses, Ah non, mais ça, après, moi, qu'on soit d'accord, mais elles en ont bien fait raison. j'ai jamais vu aucun de témoignage à elles où elles disent bah, ce qu'elles en pensent et tout. À chaque fois j'ai que des, ça part d'un commentaire misogyne sur ce qu'elle a fait et ensuite des gens qui la défendent en disant mais à aucun moment il y a de retour de la streameuse qui dit ce qu'elle en Alors, pense. moi j'avais lu au tout début, tu sais, que ça fait quand même, je crois que ça fait presque un an que ça fait bien parler, quoi. Au tout début, il y en avait une qui avait eu pendant un moment, je crois, un ban ou quoi, et ça fait du coup fait parler parce que les mecs disaient, oh, c'est bien fait et tout. Et là, elle avait réagi, et de manière assez intelligente, elle avait expliqué enfin, sa démarche et tout. Mais c'est vrai qu'en général, je pense qu'elles ont juste pas envie de. Enfin, elles s'en foutent, quoi, je veux dire, elles font rien de mal, elles ont pas à se justifier de leurs actes, quoi. Et c'est juste que malheureusement. Comme tu dis, ce qui prend le plus de place dans le débat public, c'est les mecs misogynes quoi, qui remettent ça en boucle, quoi. Et moi, limite, enfin, comme tu dis, c'est pas ça que moi je m'en fous. Enfin, ce qu'elles font, au contraire, je pense qu'elles ont bien raison pour certaines d'avoir saisi l'opportunité, pour d'autres de faire ce qu'elles aiment, tout simplement. Mais moi, ce que je trouve un peu triste, c'est que certains, de l'autre côté, on va dire côté viewer, ils voient pas simplement une forme de divertissement, mais une forme de lien. De toute façon, beaucoup de gens ont avec les Qui voit streamers, tu vois. plus que ce qu'elle C'est ça, offre. mais là, il y a un côté au sexuel, on va pas se mentir, qui existe en plus, qui fait que pour moi, c'est un peu plus malsain. Parce que quand tu regardes un streamer, il y en a plein qui, de toute façon, veulent un peu un lien, tu vois, amical, très proche, qui est un peu faux, qui de toute façon, est pas du tout vrai. Admettons, mais là, en plus, t'as le côté sexuel et t'as un peu le côté, je dirais presque sentimental pour certains qui voient. Parce que tu sais, il y a ce délire un peu de ah, j'écris ton pseudo et tout, et d'avoir cette impression d'être important, alors qu'en fait, pas du tout quoi. Et ça, il y a un peu ça sur Twitter aussi, je trouve, et moi, c'est ça qui me pose problème, tu vois. Ah, tu veux dire que sur Twitter, on peut avoir l'impression d'être Bah, sur important? Twitter, il y a un peu ce côté-là parce que tu interagis vite avec la personne. Et après, j'arrête là parce que je pense qu'on aura assez dévié là-dessus. Mais en gros, genre, la meuf qui poste sa photo dit oui, voilà mon OnlyFans, très bien. Et à côté, le mec, il fait oh, bah, tu es très belle et tout. Elle va juste répondre, mais lui, il a l'impression toujours d'avoir que sa Oui, alors pote, sa que c'est copine un et tout. parmi Et alors qu'en vrai, c'est 3 500. ça. Oui, mais c'est ça dans leur DM aussi, hein. Genre les 40 connards qu'on voit Ah des oui, mais DM. là Ouais, non, mais c'est parce que c'est de dire Jonathan, c'est plus en mode genre pour le mec, lui il a l'impression que c'est un truc de oui. ouf, tu vois, de son point de vue, tu vois, genre, et alors que bah juste voilà, la meuf a été polie, lui a répondu, C'est et ça, oui. En fait, à aucun moment je blâme la femme, là, pas du tout. C'est en fait ce que c'est juste un oui, constat non, mais que certains. Que je trouve que c'est assez. Ça m'attriste de ouais. voir certaines personnes perdues dans des Oui, fausses dans relations, tu dans vois. des fantasmes en C'est fait ça, oui. complets de. Parce qu'en soi, je veux dire, d'avoir un pur fantasme sexuel ponctuel, il n'y a aucun souci. Je veux dire, du moment que c'est en accord avec ce qu'elle propose et ce que toi tu. Enfin bref, que c'est quelque chose de légal et moralement acceptable. Mais après. Enfin, moralement, ça dépend. Mais on va dire en tout Est-ce cas que qu'il tu peux soit. définir Ouais, la non, morale? Est-ce que tu en. peux définir les termes? Mais en tout cas, qu'il soit, on va dire, acceptable pour la personne qui propose des photos de son corps. Mais après, quand il y a un lien comme ça, je trouve ça un peu bizarre personnellement. Quand tu sors un peu sur Twitter, t'en trouves plein de gens comme ça. Et souvent, en plus, c'est les gens les plus aigris derrière, tu vois. Donc, Bah après, je sais pas s'il y a une régularité des personnalités qui consomment ce genre de service et de cette manière-là. Bah, en vrai, il doit exister des données, donc on va pas parler, on va éviter de faire Oui. de l'ultra-crépidarianisme, putain, j'aime bien, et à parler Oh putain, de. Étienne Klein. Ouais, non, mais en vrai, lui, je le suis pas beaucoup, mais il a au moins l'utilité d'avoir présenté ce mot qui est utile pour résumer quelque chose qui serait long à dire, tu vois. Mot qui existait déjà avant, mais. Oui, mais qui est. Bon, c'est... on va pas. Non, non, mais qui en plus, je suis d'accord. Enfin, pour le coup, j'ai discuté. Bref, je fais une aparté, ouais. Aparté, mais qui est un peu dépolitisant, je trouve, et un peu. En plus, je vois pas par rapport à l'effet Dunning-Kruger, en fait, ce que ça. Ou alors j'ai mal compris le terme. Bah, en fait, c'est aussi qu'en vrai, mais ça on en reparlera en off, mais on s'en fout là. Mais c'est que le terme en soi veut pas dire forcément ce que lui a dit. Le terme existe oui, déjà avant. Oui. Et c'est un peu plus compliqué que ça. Oui, bah oui. Mais on en reparlera en off, c'est pas grave. Mais en tout cas, bref, c'était juste my two cents, comme on dit, sur Twitter. Victor est en train de décéder. Et pourtant, ça fait. En vrai, on en a parlé quoi 10 minutes, Victor, quand même. Ouais, mais Twitter, quoi. Non, mais alors, ça montre alors pas qu'on pourrait parler de LinkedIn. Oui, Non, si tu voulais. Évidemment. C'est dommage parce que du coup, il y a plein de vannes de Twitter qu'on peut jamais te faire, quoi. C'est ça. Ou alors que je vous fais, mais que vous connaissez déjà. Oui, mais ça c'est malheureusement souvent. Non, mais c'est fou parce qu'en vrai, il y a quand même un peu, genre, il y a un peu le triangle des Bermudes, tu vois. C'est-à-dire que t'as une pointe, c'est Adam, je suis prof. Il y a une pointe, c'est Twitter. Et le pointe, c'est Sardoche. On va y arriver. on le sait. Il va arriver comme ça derrière un mur, tu vois, tu t'y attends pas et bam. Non, mais on était sur la création et j'étais en train de balancer des propos très très clichés et Adam rigolait, mais en vrai, bon, c'est un peu con-con à dire ça, mais on a eu un processus qui peut paraître assez cliché et je pense que plein de gens l'ont déjà dit sur internet, mais mine de rien, il y avait quand même aussi une grosse part de, comme tu disais, enfin un gros truc qui était personnel, c'est-à-dire que on a beaucoup cherché à deux, on a un peu galéré à deux. Et ça, c'était quand même. Et bien à deux, parce que Adam, en fait, je suis en train de réfléchir à ça. Mais je suis pas sûr que toi, t'es comme nous. Parce que j'ai l'impression qu'on a un besoin de créer, on a besoin de faire des trucs, mais on n'arrive pas à l'accomplir. Je suis pas sûr que toi, t'aies un besoin de créer. Toi, t'aimes bien ce qui est factuel, ce qui est. Tu vois, genre, c'est fait, voilà. Si t'as l'occasion de créer, ok, mais tu ressens pas de besoin particulier de créer. De connaître, de savoir, t'as un besoin d'engranger du savoir, ça c'est sûr. Je sais pas, non, moi j'aime bien créer, j'aime bien les activités, enfin non, les au départ c'était un peu j'aime pour ça de macramé. Non mais dans la com ou le marketing et tout, moi ce qui me plaisait c'était plutôt le côté création ou un peu stratège, un peu genre jouer aux échecs quoi, mais... Après, ce que j'aime pas dans la création, c'est la finition, quoi. Mais j'aime bien le fait d'avoir des idées, brainstormer, développer un peu un truc. Non, mais développer un peu un truc. Mais après, c'est vrai que la confection, en fait. La conception me m'ennuie énormément. Ouais. Alors que nous, on a un peu le même truc, mais nous aussi, on bloque un peu sur la conception. Mais le problème, c'est qu'on a un sentiment d'inachevé. Puis nous, on est quand même vachement, je pense, assez perfectionniste, beaucoup trop dans ce qu'on veut entreprendre, et ce qui fait qu'en fait on n'arrive jamais à se satisfaire de ce qu'on a et on... Alors, je tiens à préciser un truc, ce qui ne veut pas dire que ce qu'on fait est parfait. Ah non, c'est qu'à un moment on se dit, non, faut arrêter de chercher aussi à... De toute façon, on n'arrivera jamais à atteindre un truc qui nous convient parfaitement, on fait un truc qui nous semble ok, et voilà. Ah ouais, par exemple... Regarde, Norman, il y est jamais arrivé. Oui. Putain, mais quel sac à merde. Je respecte rien ni personne. Pauvre petit oui. Norman, on l'embrasse. Je sais plus ce que je voulais dire du coup. Pardon. Choc de la loose, voilà. C'est le fameux. Il est là. Non, mais en tout cas, je pense que des anecdotes de projets qu'on a initiés, mais même perso, et qu'on a arrêté vite. Parce qu'on est. Moi, enfin, voilà, ça je veux dire, c'est que j'avais une période où j'adorais vraiment le stop motion vers la période lycée. Mais fait un peu la vie, hein, clairement pas très beau. Mais bon, voilà, j'ai jamais fini un truc et tout, même si ça me plaisait beaucoup, j'ai passé énormément de temps dessus parce que pour peu qu'il y avait un changement de lumière sur une photo qui était même pas trop visible, tu vois, ça me posait un problème de fou et je voyais que ça. Alors qu'en plus, c'était pas destiné à être publié, tu vois, c'était que pour moi, mais ça m'était vraiment mal où j'étais là, putain, je fais merde, j'ai pas mis la lumière au bon endroit. Et du coup, ça fait ça pour beaucoup de projets, quoi. Et ça le fait d'ailleurs toujours. Et d'ailleurs, moi, c'est toujours une grosse frustration, c'est que tous mes projets... Et on en reparlera dans le prochain épisode sur l'échec, d'ailleurs. Ah, c'est petit sneak peek pour le prochain épisode qu'on va faire. Non, mais même là, on va dire sur un truc qui, je l'espère, ne sera pas un échec. Mais le projet là que j'aimerais beaucoup monter, qui est un podcast de vulgarisation, c'est un projet qui me tient à cœur. Je pense, je l'ai depuis que j'ai commencé des études, donc ça fait un petit moment. Et après, je te laisse la parler. Mais c'est un projet que j'ai, franchement, je déconne pas, j'ai 25 scripts, voire plus, d'écrits sur un Google Drive. J'ai tout ce qu'il faut. Et à chaque fois, je fais, ouais, bon, finalement, si je faisais un nouveau script, et du coup, je le fais, je m'enregistre 2 secondes et je fais, ah. Mais ça, c'est quand même lié surtout au. Mais là, j'en suis au regard des autres. J'aime pas ma respiration, tu vois. Mais c'est surtout lié au regard des autres. Enfin, dans votre besoin de créer ou quoi, c'est que derrière aussi. Je sais pas s'il y a. Enfin, vous le faites pour vous, mais en même temps, il y a quand même. Oui, il y a le sentiment de reconnaissance, je pense. Oui. Même si vous dites, bah oui, mais c'est pour moi, c'est que je veux savoir que je sais faire telle chose. Derrière, il y a quand même. Je sais pas. En fait, on a déjà la barrière, je pense. Enfin, en tout cas pour moi, je parle pour moi, mais on a déjà la barrière de l'auto-évaluation, on va dire. Et ensuite, le jugement des autres fait peur. Alors que, bon, dans le fond, au pire, on dit, c'est pas terrible, quoi. Mais après, est-ce que ça dépend pas de qui juge Oui, ça dépend de qui juge aussi. Et en fait, le problème étant que, déjà, le fait de le mettre en ligne sur Internet, tout le monde peut juger. Et ça, moi, personnellement, ça me fait très peur. C'est pour ça que je me serais jamais lancé dans un projet comme ça, tout seul. Parce que je me dis... S'il y a quelqu'un qui vient pour me dire c'est de la merde, moi déjà je le dis, hein. Il y a un mec sur un jeu en ligne qui me dit t'es un noob, je déconnecte le jeu et tout, alors que il faut le dire, les jeux en ligne, il y a forcément au bout de 5 minutes au moins, il y a au moins 4 mecs qui t'ont dit que t'étais un noob. Tu joues pas League of Legends? Non, j'ai même pas osé essayer, quoi. Voilà. Et alors que tu serais plutôt bon. Pas sûr. Je sais pas, je te trouve plutôt assez stratégique, assez. En plus, ça m'intéresse pas particulièrement quand je. Mais ça m'est déjà arrivé, en fait, je prends, et ça, c'est des choses dont j'ai discuté avec ma psy, hein, je prends très à cœur des critiques venant de personnes que je ne connais pas. Et j'étais là, quand j'en ai discuté avec ma psy, on l'embrasse, hein. le truc c'est que je disais en fait j'ai du mal à être jugé par des gens que je que qui ne me connaissent pas, c'est je le vivais un petit peu de cette manière là, c'est que je me disais putain si la personne me connaît pas, elle a pas le droit de dire que je suis nul et tout, parce que j'ai aucun problème à prendre la critique par contre de quelqu'un que je connais, quelqu'un genre Adam me dit c'est de la merde ce que t'es en train de faire, je vais faire ok c'est de la merde, on discute et tout ça, et le souci étant que elle m'a dit, donc ma fille par rapport à ça, elle me dit en fait c'est peut-être le problème vient du fait que moi je ne connais pas les gens. Et pas que eux ils ne me connaissent pas, et c'est que moi c'est l'inconnu qui me fait peur et je peux tomber sur n'importe qui. Voilà. Ça, c'est vraiment une phrase de psy. Franchement, tu m'aurais juste dit quelqu'un m'a dit ça, j'aurais dit c'est la psy. Non, mais je pense qu'elle n'a pas tort dans le sens où le fait que tu saches pas. Elle a validé la psy, oui. Oui, en même temps, elle n'avait pas besoin de. J'en fous de. Oui, je veux bien approuver ce qu'elle a dit en effet. Là, tu vois, c'est un exemple de melon assez gros pour pouvoir dire. Non, mais je pense que mon avis a une importance sur ce qu'elle dit. Non, mais en vrai. Oui. Faut quand même se demander pourquoi est-ce qu'elle dit ça. Est-ce que c'est pas que justement. Elle veut dire que, comme tu sais pas ce que sont les autres, tu sais pas à quel point l'avis des autres est légitime par rapport à... Et du coup... Non, c'est juste, je pense, aussi peut-être une peur de l'inconnu primaire, tu vois, genre une peur de... De ce que. Alors que, au final, au quotidien, dans mon travail, je suis confronté à l'inconnu, je suis confronté à des gens que je connais pas, avec qui je suis obligé de parler... Ouais. Et voilà, mais régularité quand même. Voilà, mais en fait, je pense qu'il y a déjà le côté. Ce qui me fait peur, c'est Internet où tout le monde est forcément beaucoup plus extrême dans ses propos et ne va pas faire forcément preuve d'empathie. Faut le dire. C'est pas la chose qu'on voit le plus sur Internet. Donc voilà, je pense qu'il y a un petit peu de ça là-dedans. Voilà, c'était. Moi, je sais pas, je suis en train de réfléchir pendant que tu parlais, mais je t'écoutais bien sûr. je sais pas si. Je pense quand même que j'ai une vraie crainte d'Internet parce que tout est très polarisé, quoi. C'est que tu peux recevoir des éloges pour quelque chose qui reste relativement moyen et tu peux te faire défoncer pour un travail qui est relativement moyen. Et ça, je trouve ça assez effrayant parce que pour quelqu'un comme. Enfin, je vais parler pour moi, pour quelqu'un comme moi qui suis assez dur avec lui-même dans ce qu'il fait, se faire défoncer. Que tu as admis que ton travail était suffisamment bon pour toi, ce qui est déjà une grosse étape, je pense que ça mettrait un terme final à ce que je produis. Après, j'ai quand même envie de croire que, et c'est aussi pour ça qu'on est dans un truc un peu de niche et que ça nous correspond pour l'instant, c'est que tant que tu évolues, on va dire plutôt naturellement et calmement, c'est-à-dire que on force pas la popularité, tu vois, je veux dire, on pourrait faire des campagnes de pub agressives, mettre en commentaire YouTube, comment il faisait ce YouTube, comment il s'appelait ce YouTuber qui faisait ça, Max, je sais pas, vous l'avez déjà vu passer, le mec il y a 5-6 ans, il mettait un commentaire sur toutes les vidéos YouTube qui existaient à l'époque, les plus connues. C'est bien un truc. Et le mec, il a un personnage un peu loufoque, des cheveux longs, je sais plus comment il s'appelle. Et il faisait des Connais, vidéos. c'est Le bien. mec, il avait vite monté à genre 500-600 000 abonnés, mais il faisait des vidéos à 3 000 vues, tu vois. Mais parce que le mec faisait, ouais, vas-y, abonne-toi, je m'abonne et tout. Et ça marche, mais du coup, tu regardais les commentaires de sa vidéo, il se faisait déglinguer tout le temps. Finalement, il n'avait pas un taux d'engagement. Exactement. Ben, si les gens s'engageaient, mais pas ouf, quoi. Et ça, nous, on fait pas. Nous, je veux dire, dans un truc vachement. Cocon, quoi. Et finalement, les gens qui arrivent, bah, soit ça les intéresse, ils restent, ils viennent sur le Discord, ils se cassent, soit ils se barrent directement, mais il n'y a pas d'intérêt à venir finalement haïr parce que on n'est pas dans une communauté suffisamment grande pour que les gens se disent bah, ça vaut le coup, tu vois. Et ouais, ça, enfin, c'est un peu le paradoxe, c'est qu'en soi, on a envie quand même, je pense, de toucher des gens, on a envie de parler avec des gens, on a envie d'interagir parce que c'est quand même quelque chose de cool, mais il y a un peu cette crainte aussi de dire bah, une fois que tu as une communauté, t'as tout ce qui va Faut avec, quoi. assumer comment le bah le la gestion de cette communauté, même si j'aime pas le terme, parce que c'est quand même des personnes et que la gestion Ouais, et puis faut pas non plus bon. chercher le. Parce qu'il y a quand même un truc aussi qui est pas évident. Là, je vais parler pour moi, c'est quand même plutôt personnel, mais quand quelqu'un comme moi, t'as pas énormément d'estime pour toi, il faut pas chercher à travers ce que tu fais sur Internet l'estime des autres pour te compenser. Et je dis ça parce que, alors attention, pause ASMR. Il y a un youtubeur ASMR que j'apprécie beaucoup, je vais pas dire le nom parce que ce que je vais dire est pas forcément très sympa, mais un petit youtubeur ASMR, quelqu'un qui l'a depuis longtemps sur YouTube et qui, une vidéo sur deux, il va répéter, et c'est assez usant d'ailleurs, oui, je veux percer, machin, enfin, qui a toujours un peu cette idée, il demande beaucoup d'engagement, beaucoup de retours positifs et tout. Et il y en a, je veux dire, notamment de gens très jeunes qui, du coup, ils voient un peu l'idée de « Ouais, j'ai interagi avec mon youtubeur préféré », tu vois. Et ça rejoint un peu le lien malsain que je disais tout à l'heure. Mais là, c'est un peu pareil, c'est un lien un peu malsain où t'en as un qui cherche la reconnaissance des autres et les autres qui cherchent un lien avec quelqu'un qu'ils apprécient comme une star ou à cette Et échelle. du coup, ça peut être un peu dangereux, enfin, peut y avoir des manipulations et tout. Des deux côtés, je dirais, en vrai. Parce que t'as le côté... Parce que... Bah, ça dépend de. Non, mais tu vois, genre, rien que par rapport à l'âge, Ah oui, il y a complètement, eu mais. des trucs où des groupies Totalement. de 16 piges. Ou moins. Ou moins de youtubeurs. Ah ouais, j'avais pas. Ouais. Ah, Je pense, enfin, tu vois, ah genre. oui, enfin certainement. Mais du coup, moi ce que j'avais vu, c'était 16 piges pour. Ouais, non, ça malheureusement, des cas. Et d'ailleurs, ça, petit aparté, mais ça a été un peu. Faut pas se mentir, ça a fait scandale pendant 2 jours avec un tweet de Squeezie, et après. Ah Plus ouais, personne n'en parle. Squeezie. Non, c'était Squeezie Qui a lancé tout ça, ouais. qui avait. Ah mais oui, je me souviens, il avait lancé un truc genre oui, on Mais sait, on vous c'est connaît, ça, grosso modo, il a fait. mais il avait pas. Allez, initiation. Mais il y a eu quand même. Alors, après moi, c'est les trucs où ça m'agace parce que je suis toujours dans l'entre-deux, donc bah, j'ai envie de croire la victime, mais sur l'endroit où j'ai l'information, souvent Twitter, de un truc qui s'est passé pas cool avec un YouTuber. Bah en fait j'ai zéro preuve que à chaque fois c'est un tweet qui dit ah oui j'ai vu ça t'as qu'à chercher dans enfin sur Twitter tu verras le tweet originel mais en fait tu le retrouves jamais et... Et puis surtout sur Bon, Internet, alors ça a des avantages, mais tout va tellement vite. C'est-à-dire que entre le moment où ce tweet est sorti et le moment où il se faisait insulter par des milliers de personnes, ça a pris quelques heures, tu vois. Et que tu laisses même pas le temps au fait, parce que qui soit finalement, quels que soient les faits, les gens s'en foutent, tu vois, d'un bord comme de l'autre. Hein. Je veux dire, on est très vite dans. Après, j'ai jamais vu un youtubeur à qui ça avait, enfin, dont ça avait détruit la carrière. Moi, j'en ai quand même un en tête, le Antox Colaboy, qui lui a eu. Alors, je sais pas si sa Oui, carrière est détruite, mais. après sa carrière partait déjà mal. Non, parce qu'il capitalisait quand même sur le fait de critiquer d'autres chaînes, donc déjà. Mais après ça a quand même mis un coup, parce Était quand même que. très con, surtout. Oui, mais ça, on salue. C'est vrai. Non, mais même des mecs Non, mais comme. ça, c'est un jugement de valeur. Non, C'est mais pas même oui, des mecs parfait. que je suivais beaucoup étant ado, comme Lynx2Sun, pardon, et tout, Oui, c'est. depuis ces scandales-là, moi j'ai l'impression quand même qu'ils ont pas trop progressé, tu vois. C'est aussi que Lynx2Sun, Ça il s'est fait peut-être pas plus trop trop de développé non plus, vidéos je sais pas. très. Ouais, je sais pas. Bah, en fait, là, en l'occurrence. C'est parce qu'il a un concept qui n'a pas changé et qui est assez daté par rapport à ce qui se fait sur YouTube aujourd'hui. Oui, mais oui, mais sur ce truc-là, tu vois, c'est ce qu'on disait avec des potes où tu vois, sur ce truc de bah en même temps il y a ce paradoxe entre bah ça serait bien de croire la victime parce que dans 99% des cas quand même, Ben, c'est enfin qu'il il y y a a eu, il y a eu des cas graves où voilà, la victime n'a jamais été écoutée. mais où du coup est-ce qu'il faudrait pas. Bah, j'en discutais avec justement une pote qui est plutôt engagée et tout, et qui a fait du droit et tout, et où on se disait est-ce qu'il faudrait pas, dans tous les cas, dédommager la victime d'une certaine manière, même si on peut pas prouver qu'elle est réellement victime, dans le doute, on va considérer qu'elle est victime, et du coup. Non, mais dans ce cas-là, ce serait la bonne aubaine, et Bah, du puis. coup, c'est un peu le, ouais, c'est un peu le problème. Ça je sais pas, je sais pas. Je pense que. Enfin, Enfin, parce que, ouais, c'est compliqué. comment tu fais sinon pour que la victime, elle ait justice, même si tu peux pas prouver qu'elle est réellement victime, ou en tout cas que tu peux. Ouais. En tout cas, moi, je pense que. Aujourd'hui. Le tribunal social a eu son utilité parce que ça a permis quand même de mettre en évidence que c'était il y avait des problèmes au niveau du jugement de ces cas-là. Mais je Ah pense bah oui. qu'aujourd'hui, il faut l'abroger. En tout cas, il faut que ces affaires-là se passent par le domaine purement juridique pro, entre guillemets. Parce que le côté social a permis justement d'arriver à mettre ça en lumière, mais aujourd'hui, ça fait que n'importe quelle affaire, quelle que soit enfin, si c'est vrai ou non, c'est même pas la question, mais n'importe quelle affaire prend tellement d'ampleur médiatique que. Ça finit finalement à une guerre de plus de position idéologique que de réels faits, tu vois. Et que ce soit pour les victimes, quel que soit, c'est. Oui, mais il faut aussi que le public se saisisse de trucs. Et aussi parce que des fois, des affaires qui paraissent entre guillemets personnelles deviennent des sujets publics et politiques. Et ça permet en plus de relancer le débat. Non, Tu vois, après. quand il y a une affaire, alors bon là, pas sur des trucs liés à du viol ou du harcèlement sexuel ou des trucs comme ça, mais tu vois, type. Mince, comment ça s'appelle? Enfin, il y avait eu l'affaire sur les néo mince, comment ça s'appelle? Les trucs, les insecticides, Oui, c'est ça. les déserts, Néonicotinoïdes. les. Oui, c'est ça, voilà. J'arrive pas à le prononcer, c'est quoi? Néonicotinoïdes. Oui, voilà. Où il y avait eu l'affaire avec le Roundup, tout ça, et où en fait, bah, du coup, des associations s'étaient saisies de l'affaire et c'est devenu un sujet public et politique. Il y a pu avoir Moi, je des parlais débats, des vraiment que lois. du côté harcèlement, sexuel, viol, hein. Ah Pas oui, des mais associations. même sur ça, c'est bien que des gens puissent en débattre quand même autour, parce que. Bah, je pense que c'est bien que les gens puissent en débattre, mais je pense que y a certaines. Enfin, tu vois, par exemple, si on prend le côté des youtubeurs, je pense que le fait que la parole soit libérée, c'était très très important et primordial. Mais je pense pas que l'avoir fait d'une telle manière, ce soit bien, parce que je pense même que ça a occulté certaines véritables victimes qui ont. Enfin, ça a été tellement fort sur Twitter. Non, mais je dirais, franchement, est-ce que toi, t'as envie de témoigner quand tu vois qu'il y en a certains qui ont témoigné, qui se prenaient des vagues de haine de la part de fanboys de certains youtubeurs, c'est. Et à contrario, il y a certains youtubeurs, on sait Bah oui, pas, mais mais du qui. coup, est-ce que t'avais envie de témoigner? Enfin, est-ce que ces personnes-là avaient de toute façon envie de témoigner avant? Mais sous couvert d'anonymat, Ça t'es a quand quand même moins même. emmerdé, quoi. Là, il n'y en avait plus trop, tu vois. Ah oui, tu veux dire qu'il n'y avait plus d'anonymat pour Bah, pouvoir du témoigner? moment où tu fous une affaire sur le domaine public, là littéralement, Je suis plus trop sûr de pour suivre. imager, c'est que, non mais pour littéralement pour imager, c'est que quelqu'un arrivait sur une place publique qui a dit oui, bah, lui en face de moi, il m'a violé, tu vois. Et du coup, d'un côté, t'as des gens qui prennent en face et d'autres qui prennent en face et qui se battent, tu vois. Mais ça, du coup, c'est bien pour mettre en avant, pour que tout le monde le sache, mais en même temps, pour moi, ça a desservi totalement le côté justice, quoi. Parce que du coup, tu te trouves avec des affaires qui sont jugées par la colère des gens ou par le fanboy. Je sais pas si fanboyisme, ça dit pas, mais. Non, je suis pas sûr parce qu'en plus du coup moi enfin personnellement les débats que je voyais c'était plutôt bah, justement où les types plutôt du camp de l'agresseur étaient en mode bah, présomption d'innocence tout ça et en face il y avait l'argument bah oui mais non il faut croire la victime elle aurait pas eu de raison de Ouais, mais d'inventer le truc et du coup c'était pas un débat sur est-ce que la victime s'est vraiment enfin fait agresser ou non. Mais plutôt comment enfin ce qui est bien c'est que ça a mis en lumière une espèce de crispation ou un débat sur bon bah là la justice elle arrive à un moment où elle affronte des difficultés bah, ou des le paradoxes et du coup il faut qu'on trouve un moyen d'aller au-delà quoi. Le problème étant que quand tu te retrouves. Enfin, c'est toujours été le même problème dans la justice à tout. De tout temps, en fait. C'est quand tu te retrouves enfin, entre deux. Comment on dit ça? Tu vois, genre. Témoignage contre témoignage, enfin. Ou c'est parole contre parole, voilà. Bah, il faut trouver des choses pour trancher, sauf que, bah, en fait, je pense que ça change pas vraiment d'avant. Dans le sens où, quand il y avait des affaires comme ça, dans des petits bleds, bah, c'était pareil, le tribunal populaire, quoi. Oui, mais Et... là, du coup, c'est justement ce que ça met en lumière et les et où enfin le fait qu'il y ait ce débat-là, ça fait que les gens peuvent se rendre compte que ah mince, on arrive à un point où là, visiblement, il faut qu'on trouve des nouvelles astuces judiciaires pour dépasser ce truc du mince. Il y a à la fois une victime, mais peut-être Oui. qu'elle l'est pas, mais en même temps, au cas où, elle le serait. En même temps, ça fait plusieurs millénaires que la justice existe, en tout cas qu'il y a des dispositifs judiciaires qui existent. Et à un moment, on va pas réinventer l'eau chaude, quoi, non plus. Bah On... non mais bah il y a des arguments, il y a pas mal de trucs qui ont. Enfin tu vois, ne serait-ce que sur l'abolition de la peine de mort, Oui. l'argument, alors à ce que je sache, l'argument il est quand même relativement jeune du fait que bah puisque on pourra jamais savoir si enfin il y a des fois tu peux pas savoir si le coupable était vraiment coupable, et dans tous les cas, même si t'as vraiment vu par exemple le type tué, il y a tout un tas de facteurs psychosociaux qui font qu'il n'est pas Oui. complètement coupable non plus. Oui, mais là en fait, si tu Du veux, coup, enfin, on a trouvé un. c'est des questions de morale. Est-ce qu'on Oui, mais là, devient un c'est. assassin soi-même Oui, mais là. pour mais là c'est des questions de on ne peut pas connaître la Ouais, vérité c'est purement factuellement. technique, là. Mais là, c'est pareil, c'était pas que est-ce que l'assassin est vraiment. Là, c'était pour aussi des cas où on savait pas, on n'était pas persuadé que le type était Oui. coupable, et où comme justement on n'était pas persuadé, bah Il n'y a pas que on ça non s'est plus, je dit, il pense, n'y a mais... pas que ça, mais c'était Ouais, mais l'un après, il y des a quand même une arguments. grosse... Enfin, ce que tu dis, ok, c'est une modification et tout, mais pour moi, il y a quand même une énorme différence entre réduire un châtiment ou une peine parce que on ne veut pas justement aller trop loin et arriver à trouver une peine adaptée dans un cas où on n'est pas sûr, tu vois. Mais pour moi, il y a. Oui. Mais parce que là, pour moi, du coup, le truc, il est plus que du côté de. Enfin, du côté de l'agresseur, on arrive relativement à gérer le truc. Mais maintenant, le truc, il est du côté de. Enfin, il est aussi de ce côté-là, vu qu'on n'est pas trop sûr pour l'agresseur et on n'est pas trop sûr que la victime soit vraiment victime. Il faut qu'on trouve un truc pour, au cas où la victime serait vraiment victime. Enfin, je sais pas comment dire, mais... au cas où la victime serait vraiment victime. Enfin, tu vois, même un système... Enfin, la présumée victime et le présumé agresseur... Le problème étant que, quoi que tu fasses, t'auras des abus et des dérives, en fait, quand tu... Enfin, tu... Dans le sens où, oui, mais tu vois, un système à l'américaine qui est un petit peu opposé dans sa gestion au système en France, en tout cas, où c'est à la... Comment ? Alors, attends, agresseur, victime. C'est à... En gros, de la personne qui est présumée agresseur de prouver qu'il n'a pas agressé. En France, c'est l'inverse. C'est plutôt à la victime de prouver qu'elle a été agressée. En fait, il n'y a pas de bonne réponse. Les deux sont injustes. Si y a faute. Mais justement, peut-être qu'il y aurait un moyen de dépasser ça, qu'on ne l'a juste pas encore trouvé. Ouais. Je ne suis pas persuadé. Enfin, après, je ne suis pas persuadé que ça passe. La philo, morale, tout ça, elle avance quand même. Enfin, y a des... Oui, elle avance vraiment, tu penses. Mais ne serait-ce que il y a plein de les réformes de justice sociale tout ça, enfin ça tu vois par exemple les trucs type discrimination positive ça date de pas longtemps Les réformes en tant que telles non, mais après les idées en soi elles existent quand même. Non, il y a des idées type enfin les concepts un peu méritocratique, les concepts de socle, base sociale type RSA et compagnie, c'est des trucs. Alors RSA, je sais pas si c'est inspiré directement de ça, mais tu vois les formes de justice sociale un peu sociale libérale à la John Rawls, c'est années 70 quoi. C'est des. Ouais, mais enfin, je veux dire. Là, tu parles de discrimination positive, c'est un truc qui a créé encore plus de problèmes que ça en règle, tu vois. Enfin, selon moi. C'est devenu un argument pour, justement... Enfin, de l'extrême droite pour dire que les minorités sont en fait les privilégiés. Oui, voilà. Oui, oui. Et enfin, tu vois, moi, basiquement, quand je rencontre au boulot des gens qui sont extrêmement racistes, du public qui est extrêmement raciste, on en a plusieurs, et ben c'est toujours les mêmes arguments qui reviennent. En fait, des arguments, il y en aurait eu quand même. Parce que ces minorités, elles auraient quand même déjà été. Et, sauf que là, au moins, elles le sont. Enfin, elles sont toujours. Stigmatisées. Mais au moins avec un minimum de thunes pour survivre. Enfin. Je suis d'accord. Un minimum de droits ou un minimum de. Mais non, mais c'est pas évident en effet. Mais c'est des questions pas évidentes. Mais. Non, de toute manière, là, c'est beaucoup de suppositions. Après, moi, ce que je voulais juste défendre, je pense qu'après, on pourrait redévier vers autre chose. Pour venir de base, c'était que. Je pense que de placer un débat sur la place publique a ses avantages. Comme je dis, ça permet de mettre en lumière beaucoup de choses. Et je pense, peut-être qu'on le dit Adam, que ça permet d'avancer aussi. Parce que ça permet d'avoir l'intelligence collective à l'œuvre. Mais à terme, je pense que pour certains sujets, notamment les questions de viol et d'agression sexuelle, c'est bien aussi de garder une certaine intimité. Parce que Internet, pour rejoindre un peu ce qu'on disait avant, est quand même extrêmement violent. Alors toi, Adam, tu disais que t'as pas forcément vu ça. Mais là, je pense qu'on touche à autre chose. C'est que sur Internet, un peu cet effet, surtout Twitter, cet effet cocon. Où, si tu le veux, ça va vachement filtrer selon ce que toi, tu suis. Donc tu peux vachement biaisé sur sans tout le monde, pas que toi. Oui, oui. Mais du coup, qui fait que je pense que dans certains cas, pour même d'un point de vue juridique et tout, ce serait bien de... Parce que tu empiètes dans certains cas sur la justice aussi en permettant la diffamation, en permettant ce genre de choses. Je pense que le débat public a son utilité, c'est sûr. Mais peut-être pas pour toutes les questions. Le débat public a son intérêt pour faire prendre conscience à la justice et aux autorités qu'il y a un problème, un endroit, et que il y a certainement des victimes qui sont pas écoutées et qu'il faut les écouter. Je pense que tout ce qui est MeToo et compagnie a eu son intérêt pour déjà changer l'opinion publique, déjà aussi faire non, ça existe. Parce que, enfin, tu vois, j'en discutais avec mon père, il me disait, mais je comprends pas et tout, mais Enfin, et mon père était. Mais forcément, c'est des affaires pour essayer de gagner de l'argent ou des trucs comme ça. Non, mais. Ah, voilà. Je pensais pas que ton père. Oui, non, mais tu juges très facilement, Adam aussi. Sans, tu vois, genre, parce qu'il ne comprend pas, parce que lui est dans son cocon de personnes bienveillantes. Mais du coup, oui. Et en fait, il ne comprend pas qu'on puisse. Tu vois, il comprend qu'il puisse y avoir des viols et tout, mais il ne comprend pas que des personnes puissantes peuvent à ce point profiter. Et en fait, c'est le même truc que je lui dis, mais en fait, tu vois, genre, toi, tu jettes pas de papier par terre? Bah non, tu connais pas de personne qui jette des papiers par terre? Non, bah pourtant, t'en trouves partout dans la rue, quoi. Oui. Et il me disait, oui, c'est vrai, et tout. Et en fait, ça permet d'éveiller un peu aussi les esprits par rapport à ça, et ça, c'est important. Et disons, tout ça partait d'un youtubeur ASMR, quand même. C'est vrai. Non, mais après, c'est pas des questions évidentes, ça, c'est sûr. Mais je pense que. En tout cas, c'est pas des questions déjà. Comment? Déjà, c'est pas des questions, donc. Bah, si, plutôt quand même. Il y a eu une question? Bah, la question. C'est des interrogations, en fait. Non, mais je rigole. C'est parce que des fois, je reprends souvent des gens qui mettent. C'est une question alors qu'ils ont donné une affirmation avant et en fait à aucun moment ils ont posé une question. Mais bah là on en a posé plusieurs quand même. Voilà. Tu veux que je te le liste? Ah ouais. Vas-y, liste. Alors déjà on a demandé, on s'est posé la question du lien entre les viewers et les créateurs, ou en tout cas que ce soit à travers le travail de sexe ou les gens qui suivent. On a questionné ensuite le lien entre le débat public et la justice, la cohérence, enfin en tout cas l'évolution de la justice à travers le débat public. Ça fait 3 déjà, c'est pas mal. C'était pour voir si t'avais suivi Jonathan, c'est bien. Et après, non, mais du coup, je sais plus où j'en étais. Parce qu'en vrai, je sais même plus d'où on était parti avant le youtubeur et sa mère. Je sais plus. C'était par rapport à au fait que nous, on faisait pas ça pour rechercher forcément. Ah oui, on était dans notre petite niche, quoi. Oui, c'est ça. Qui nous correspondait pas mal. C'est ça. On fait ça parce que on est content de pouvoir le faire, en fait, principalement. Et content de pouvoir se dire qu'on est en train de faire quelque chose dont on est plutôt content. Ouais. Ouais, et puis, est-ce que. Je me souviens, ce que je dis, c'est que. C'est que pour l'instant, moi, je me sens personnellement pas prêt en termes de confiance perso et tout pour pouvoir, entre guillemets, me jeter dans le grand bain, tu vois. Ça n'empêche que, pour le coup, Déviation m'a fait beaucoup de bien, même d'un point de vue estime de soi et tout, pour le côté arriver à créer quelque chose, quoi. Parce que, on va pas se mentir aussi, de commencer des projets mais de les avorter, ça n'aide pas tellement à te dire ce que je fais, c'est cool, quoi, tu vois. Et là, mine de rien, d'avoir quelque chose qui se concrétise, ça a permis d'avancer sur quelques autres projets. D'ailleurs, il y a un truc, attention, exclu même, ça, il n'y a aucun de vous deux qui le sait, je pense. Tu sais qu'il y a des. Au début de Déviation, j'ai créé des. 3 vidéos, pour être exact, qui existent sur Internet, sur YouTube, et qui sont disponibles en plus. Info exclusive sur le plateau. Et il y en a deux, enfin, elles sont très courtes. Mais il y en a une, en fait, qui est une série, j'en parle maintenant, mais. Une série qui. Que j'aurais bien aimé continuer, mais pour être totalement franc, ça m'a pris beaucoup de temps et j'ai un peu la flemme. J'ai quand même réussi à le mener au bout, donc j'étais plutôt content. C'était un concept un peu. Alors, c'était avant Didier Doudi qui. Comment ça s'appelle? Qui fasse son Légendex, je te montrerai après. Bon. D'accord. Et en fait, c'est un concept où j'avais envie d'avoir des lieux un peu chargés d'histoire, ou en tout cas de mythes, et de faire un petit. une petite vidéo dessus, en fait, d'avoir une idée un peu de présenter des lieux de France, notamment, qui... Pardon, désolé, un truc s'est lancé. De présenter un des lieux de France, comme ça, avec une légende ou ce genre de choses. Et c'est un concept qui me tenait à cœur, parce que, même d'un point de vue vulgaire, j'ai toujours voulu aborder un peu ça à travers le prisme des légendes. Et du coup, c'est entre autres grâce à Déviation que ça m'a donné un coup pour... Non, je le fais, tu vois. Alors après, j'ai jamais continué, mais je l'ai quand même réussi à en faire. Du coup, c'est pas si mal. Et est-ce que tu en étais content? Oui, il faudra que tu. Oui, ça allait. Pas 100% content, mais ça aussi, c'est que j'ai réussi quand même à poster quelque chose, tu vois. À me dire, je l'ai quand même content de ce que j'ai fait, quoi. Et alors, combien d'argent t'as gagné avec ça? Bien, écoute, grâce à mes 3 vues, j'ai réussi à gagner un total de 0€. Oh, waouh! Incroyable. Ouais, mais pour le coup, tu vois, enfin, c'est tout con, mais je les ai publiés en privé, mais j'étais juste content d'avoir publié, quoi. D'ailleurs, je sais même pas si je crois pas qu'elles sont publiques. D'accord. Mais voilà, c'était juste me dire, bah, je l'ai fait, tu vois. Très bien. Waouh, c'est incroyable. Et voilà. Mais c'est, en fait, c'est ça, c'est que on a beau être des amis très proches, il y a encore des choses où on le fait avec vraiment beaucoup de pudeur. Enfin, ça, c'en est un exemple, un exemple clair. Enfin, moi, il y a plein de trucs que j'aimerais faire, mais que voilà. Alors que certainement, je pourrais demander un coup de main pour faire. Et puis, voilà. Mais là, j'ai pas d'idées qui me viennent, mais je suis sûr que j'en ai eu à un moment donné. Moi aussi, c'est vrai qu'il y a, enfin, oui, il y a pas mal de choses. Il y a un moment, j'ai rêvé d'être maître du monde, mais j'ai hésité à vous demander de l'aide. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses que je fais avec pudeur sans vous, alors que j'aurais besoin d'un coup de main, quoi. Je vais pas vous décrire la gestuelle. Hein, c'est... Quel enfer. Quel bof. Quel bof. Tu peux expliquer, Adam, s'il te plaît. Ils sont avec nos enfants. Ils sont dans nos classes. Les profs d'écho. Non, mais après, il... Non, mais imagine le jour où on va le faire en live, Adam. On va le faire en live. Et tu sais, on parle. En vrai, je pense qu'en live, je veux dire. En live, je serai pas là. Parce que. T'es border. Ouais, je suis un peu. Non, mais après. Non, mais en vrai, j'ai vraiment honte de moi, des fois. Hein, quand je réécoute des trucs et tout, je me dis, putain, Adam, vraiment. Je vais faire juste un petit aparté. Mais vous avez jamais eu de projets comme ça que vous faisiez vraiment pour vous. Tu vois, tu disais des trucs un peu pudiques et tout, mais genre là par exemple ce que j'ai fait là moi, c'était plus que déviation encore, c'était vraiment je l'ai fait pour moi, c'est-à-dire qu'il y avait, genre je te dis, j'ai vraiment produit du truc, je l'ai publié et après c'était fini quoi. Même si avant il y avait un peu le fantasme de me dire ouais je vais faire une suite et tout, 15 épisodes, c'est sur Netflix dans 3 semaines, tu vois. Tu veux dire un truc créatif pour soi? Ouais, de vraiment juste faire quelque chose qui... se suffit à lui-même, c'est-à-dire que sans qu'il y ait une reconnaissance extérieure, mais juste tu l'as fait et ça t'a apporté quelque chose et après bah, ça, tu le laisses sur un côté. Ah oui, bah ça, moi je fais tout le temps apprendre un truc, apprendre à faire un. Enfin, mais ouais, du coup, je sais pas si c'est. Parce que c'est vrai que quand je fais des trucs un peu créatifs, enfin ça dépend des trucs, mais, non, mais souvent derrière il y a un apprentissage. Par exemple, j'avais commencé à apprendre le dessin. D'accord. Un peu pour moi et tout, et une fois que j'ai commencé à être pas trop mauvais, tu t'es lassé. Genre pour ouais, genre j'ai fait un portrait peut-être de ma daronne, je crois, j'ai fait ouais franchement plutôt ressemblant, et puis après j'ai arrêté. voilà. Parce qu'après aussi, ça dépend ce qu'on appelle créatif. Par exemple, tu vois, quand je fais de la musique, mais de la musique, tu sais, sur le coup, je fais un truc, mais que je vais pas, déjà, je... Que tu n'enregistres pas, tu le fais. Oui, je vais pas l'écrire sur une partition ou quoi. Tu le fais pour le plaisir, quoi. Ouais. Mm-hmm. Ouais. Sans forcément le besoin de le partager, en fait. C'est vrai que la musique, je trouve que c'est un des trucs que je fais sans besoin de... voire même je suis plutôt pudique ouais, t'aimes pas jouer avec des gens j'aime bien, mais en fait j'aime juste pas qu'on fasse mes parents étaient vachement comme ça, genre écoute, attends, tu vas voir, hein, tu vas voir le petit là, en sortant les congas ou le jamais, genre tu vas voir machin, et où toi t'es là oui machin patron, voilà. Et c'est assez gênant, surtout quand à côté la personne à qui on dit hey, tu vas voir, elle essaie de te rassurer en disant ah c'est vachement bien, et où du coup après elle te fait ah tu peux refaire et tout, je sais pas, en plus je trouve que l'enthousiasme que tu montres est un petit peu exacerbé. Ouais pour avoir joué pour avoir joué trois accords et faire Christophe Maé, ouais c'est ça. Bah après moi c'était surtout sur des percussions, j'étais un peu là. Non, mais en vrai, on a quand même fait un beau tour d'horizon de... Je dis beaucoup trop de fois. En vrai, je me rends compte, en fait. Faut que j'arrête ce tic de langage. J'allais y dire encore. On a fait un beau tour d'horizon de la création. On est passé quand même par pas mal d'étapes. Et pas mal de difficultés, pas mal de phrases clichés, mais c'est pas grave. On s'en remettra. Oui, voilà. Au pire, tu coupes ou tu modifies la voix, tu fais genre, c'est Adam qui l'a dit. On se démerdera, t'inquiète, on prend une solution. Mais voilà, mais je pense que c'était quand même aussi l'idée de ce podcast, c'est de montrer que, bon, sans aucune prétention, parce que ça reste, comme on a dit, un truc de niche, mais finalement, si vous voulez créer, je vais pas dire comme Orelsan, il suffit d'une caméra pour filmer, parce que je pense que c'est pas aussi simple. Mais si vous voulez créer, et que comme nous, vous, tout seul, vous n'y arrivez pas, il n'y a pas de honte, mais entourez-vous, quoi, trouvez des gens qui ont envie de créer avec vous et créer ensemble. C'est ça. Et voilà, et après, si vous avez envie de monter des petits projets éphémères pour vous, faites-le. Il n'y a pas forcément besoin de trouver du sens dans. Ça peut paraître con, mais de trouver forcément un sens, que ce soit avoir du public ou ce genre de choses, ça finalement, on s'en fout un peu. Ce qui compte, c'est d'arriver, je dirais, déjà au bout du projet et d'en être fier, quoi. Et donc voilà, si vous avez envie de créer, entourez-vous, foncez. Et puis n'hésitez pas à partager des versions et de donner sur le compte PayPal. Hein. Exactement. Exactement. En tout cas, c'est vrai qu'on a passé malgré tout une année plutôt chouette à travailler sur ce projet. Alors travailler, je dis travailler, mais c'était vraiment du plaisir la plupart du temps. Oui, sauf quand certaines personnes ne branchaient pas leur micro, je parle de moi. ou d'autres, Corentin, on t'embrasse si tu passes par là, qu'il a fait deux fois d'affilée, trois fois d'affilée, je sais plus. Ah là là. Ah, Corentin. Non, c'était quand même... Mais en même temps, c'est tout con, mais tu vois, ça... Moi, je suis quand même assez fier de nous d'avoir su continuer, parce que des problèmes, on en a quand même rencontré, tu vois. Que ce soit organisationnel, que ce soit technique, surtout toi pour le coup, que ce soit même d'envie, tout simplement. Parce que c'est ça aussi, c'est qu'en vrai, moi je suis toujours très content quand j'ai fini une déviation, mais pour être totalement honnête, il y a des fois où il fallait quand même que je me bouge le cul pour le lancer, tu vois. Mais à finir, j'ai toujours été une fois que j'étais lancé, j'ai toujours été très content de le faire. Mais ça rejoint un peu de toute façon mon caractère, c'est que pour m'élancer, il me faut quand même un peu de... Un coup de pied au cul. Un coup de pied au cul, voilà. Donc, mais c'est pour ça que ça fait du bien, ce projet, et je ne vais pas non plus radoter, mais on a une année qui a été assez riche, très riche. On a fait beaucoup de déviations, ça c'est vrai. Enfin, dans le sens où on a fait beaucoup de détours dans nos projets, nos envies, nos créations. Mais finalement, je trouve qu'on a trouvé un bon cap, un beau cap. Et dans ce qu'on a créé, je pense qu'il y a quand même des très belles choses dont on peut être très fier. En tout cas, moi, j'en suis fier. Et je suis content de la manière dont, finalement, tout ça s'est goupillé. Et qu'aujourd'hui, en plus, on soit avec l'illustre Adam. En personne. En personne, qui ne nous écoute pas du tout. Parce que je suis en train de lire un thread... T'as niqué mon moment émotion, t'en es conscient. Non, mais attends, ça fait 10 minutes que j'instaure une ambiance, que je suis là, putain... Alors oui, tu vas finir avec un truc qui plombe l'ambiance en plus, c'est ça le pire. Moi je lisais un thread. Alors qu'est-ce que t'as Non, c'est un truc qui est censé être rigolo, mais du coup je sais pas à quel point c'est rigolo puisque je peux arriver à la fin. Mais en fait, c'est une meuf qui dit que quand elle était petite, elle s'est faite kidnapper, mais elle dit que c'est une histoire drôle. Donc, et là après, donc, je suppose que ça s'est bien fini. Et là, elle raconte que. En fait, elle s'est faite kidnapper avec sa pote, et qu'en fait, elles ont fait chier le mec pendant tout le trajet de kidnapping, où elle lui posait des questions à la con. Voilà. C'est très drôle. Je suis mort de rire. Bah oui, forcément, puisque là, il n'y a pas le. Ouais. Oui, mais en même temps, on est un peu en train de faire un podcast. Mais c'est vous qui avez demandé à ce que je vous dise ce que c'était le thread. Oui, mais on t'a pas demandé à ce que tu te déconcentres en plein milieu de l'émission et que tu regardes ton fil Twitter. Je suis désolé, mais c'est qu'en fait ça fait une lumière bleue qui m'agace quand j'ai un message. Oui, tu peux faire comme avec tes élèves en fait. C'est vrai. Et tu sais quoi, je pense que la prochaine émission qu'on fera, on va te demander de poser ton téléphone sur la table face cachée. Et comme ça, dès que tu voudras le prendre, on le verra et on te dira non. Et après, non, il va prendre son verre, il va faire le même regard que ses élèves quand il... y a un élève qui l'avait pas posé face cachée, je suis passé sur le... devant lui, j'ai pris son portable, j'ai fait... Enfin, genre, je l'ai vraiment retourné, mais un peu fort, et là... T'as eu peur. Là, j'ai eu peur, parce qu'il me fait... Ah, par contre, monsieur, ça va pas, il est neuf, enfin, genre, c'était un iPhone assez cher et tout, et dans ma tête, je me suis dit, putain, Adam, il faut que... Faut que t'ailles jusqu'au bout de ton truc, parce que là, tu peux pas t'excuser, ça a décrédibilisé et tout. Donc j'ai fait un truc genre, bah ça va, il a rien. Je l'ai retourné en mode, en ayant la confiance, en me disant, c'est bon, il va rien avoir. Et effectivement, il avait rien, heureusement, je fais fou. Mais je sais pas ce que j'aurais fait s'il avait Mais t'as le droit de toucher les téléphones avec le Covid? Tu sais, il s'en fout, hein, Jean-Michel. D'accord. Oui, non, mais c'est vrai que la logique, après tout. Mais là, par contre, j'avais la dernière semaine, là, il y en avait quasiment aucun qui avait son masque, même sur la bouche, tu vois. Parce qu'avant, je leur disais de le remettre au moins sur le nez, mais il l'avait sur la bouche, là, même pas. Et une fois que t'en as repris 20 fois, Ouais, t'as enfin, au abandonné. bout d'un moment, bah juste faut que t'avances, quoi. Nous, au boulot, on fait ça depuis, depuis mai. Depuis, non, depuis juin 2020. Les gens, on leur dit de porter leur masque, mais les gens, ils se posent, ils s'assoient, ils enlèvent leur masque comme ils étaient dans un bar alors qu'ils sont dans un lieu public fermé. Voilà. Donc, au bout d'un moment, moi, ça m'a gavé. J'ai dit à mes collègues, moi, je vais arrêter de reprendre les gens parce que bah, on n'est pas là pour faire la police non plus, quoi. Puis, voilà, Oui, c'est. c'est pas tenable. Ouais, c'est pas Mettez tenable. vos On masques, les avait gens. même des gens qui devenaient agressifs en fait quand tu leur disais de Oui, en remettre leur plus, c'est masque. ça. Donc, Mais je suis en train de me dire là, franchement, avec ce podcast, on est en train de perdre, on perd les auditeurs Les profs complotistes, d'éco-gestion, les profs déjà. d'éco-gestion, déjà, parlons-en. On a gagné quand même les profs d'EPS, je pense que. Ah non, tu as dit tout à l'heure ça qu'ils étaient sympas. Bah, du coup, les profs Bah d'EPS, vous oui, êtes les profs sympas. d'EPS sont très Voilà, sympas. donc vous pouvez nous écouter. Les autres, par contre. Sauf un. Non mais ça va, non mais arrête-toi, ils sont tous très sympas. Et puis on a perdu tous les gens qui utilisent Twitter, tous les gens qui utilisent Twitch, tous les gens qui utilisent YouTube. Bah non, nous on utilise déjà Twitter et on s'est pas perdu. Un peu quand même. C'est vrai. Wow, c'était beau, c'était profond. Bon. Non mais en tout cas c'était une belle année à faire des podcasts et on va continuer parce que ça nous fait plaisir de continuer. Bah ouais. Voilà. Au pire, est-ce qu'on fait des recos pour cet épisode? Bah écoute, moi j'en Server ai une parce que Série? j'étais allé voir le nom du jeu, Ouais, j'avoue. vas-y. Bah écoute, moi Donc, j'ai. Jonathan a une reco, du coup. Ouais, alors moi, Marocco, c'est un jeu qui est l'As d'Or de 2012, je crois, ou 2014. Enfin, je sais pas, je suis allé voir la boîte il y a 30 secondes, j'ai oublié, c'est super. qui s'appelle Andor, qui est un jeu très connu et qui est un jeu de société très très très très cool qui va allier jeu de rôle et jeu de plateau, où vous pouvez incarner, en tout cas dans cette première version, parce qu'après il y a plein d'extensions. Vous pouvez incarner un humain, un mage, un elfe ou un nain. Et donc ça se joue de 2 à 4. Et vous allez devoir en fait suivre des étapes d'une légende. Donc c'est un peu le côté jeu de rôle. C'est qu'en fait il va y avoir une histoire. Vous faites partie de cette histoire. Et vos actions vont bah, déterminer. Enfin il y a une part d'aléatoire dans les cartes qui sont tirées, mais vont déterminer l'histoire comment elle se déroule. Et c'est un peu le même principe que Zombicide, c'est que plus vous tuez d'ennemis. Plus le jeu s'accélère et plus il y a d'ennemis qui vont arriver. Donc il y a des missions, notamment protéger un château, mais il va falloir le protéger intelligemment parce que vous pouvez pas tuer tout le monde. De toute façon, vous n'avez pas les capacités de tuer tout le monde parce qu'on est un peu faiblard. Enfin, pas moi, mais vous. Voilà. mais voilà, mais le jeu est très très cool. J'en ai beaucoup entendu parler de ce jeu. C'est vrai que je le vois pas mal. Enfin, c'est un jeu qui est connu. Enfin, le nom m'est pas Ouais, inconnu. c'est un jeu qui est très connu. Moi, je suis passé souvent devant en me disant oui, bon, je sais pas trop. Le Ouais, jeu genre est très peut-être. beau. Et vraiment, il vaut le coup. Et en plus, les parties durent pas très longtemps. Il met un peu de temps à se mettre en place. Mais honnêtement, les parties durent quoi? Une heure et demie. Et ça vous donne juste envie d'enchaîner les légendes et de voir ce qui se cache derrière. Et le jeu est pas facile. Honnêtement, à deux, à trois, on n'a pas encore testé, mais ça ne va pas tarder, j'espère. Mais voilà. Andor, c'est très très cool. Et je sais pas si j'avais une autre co. Si, ne regardez pas Titan, c'est non. C'est vraiment nul. Je suis désolé, mais. La série sur Ouais, Netflix. voilà, c'est tout. Bah ça annonçait peu de choses glorieuses avec la saison 2 déjà. La saison 1 était ok, la saison 2 était cata, et bon, la saison Non, 3. ouais, voilà, non, en vrai, je taquine un peu parce que je l'ai quand même regardé avec plaisir, mais il faut vraiment arriver à se détacher. Faut pas s'attendre à grand-chose, quoi. Faut vraiment y aller popcorn et poser son cerveau. Et Par encore. Oui, et encore. Et par contre, un reco, et après je m'arrête là, c'est Don't Look Up. Alors, beaucoup de gens m'ont parlé, donc je vais pas m'attarder dessus, mais le film est très cool. Il est quand même vachement porté par ses acteurs, on va pas se mentir, parce que c'est quand même plutôt gros acteurs. Mais le traitement de certains sujets, notamment le rapport de la science au grand public, je trouvais ça vachement pertinent. Comment les scientifiques sont des galériens pour arriver à communiquer des choses. En fait, d'arriver à rendre des choses pour eux qui sont simples, les rendre simples au grand public, mais ils n'y arrivent pas. Ce qui est un vrai problème, je trouve, aujourd'hui. Et bref, il y a plein de sujets intéressants, je vais pas spoiler, du coup, battez-le, et voilà. Ok, Moi, je voulais faire une reco aussi, c'était Moon River de Fab Caro, donc, qui a fait Zaï Zaï Zaï Zaï, Le Discours, enfin, qui est donc un créateur de BD et de romans plutôt porté sur l'humour absurde. Et là, Moon River, bah, c'est dans la même veine, une histoire d'enquête policière, très sérieuse business, mais sur un sujet qui est complètement absurde. Ça se lit très bien, très vite. Voilà. Il faut le lire. C'est génial. Oui, mais bon, puisqu'on en est à des recommandations plutôt, je dirais, très culture, plus, très bien, vous la jouez comme ça. Je conseille Transfuge de sexe, voilà, de Emmanuel Bobassi. C'est un bouquin de sociologie sur les personnes trans et c'est très intéressant. Voilà. Je l'ai pas encore fini, mais j'en ai lu une bonne partie C'est la question que je voulais te poser, savoir si tu l'avais et lu. c'est bah, tu non mais pour le coup c'est vrai que je suis pas un grand lecteur mais On peut dire que tu es un grand adepte des résumés de texte, en fait. Il faut le savoir. Et là, j'ai plutôt, enfin, j'ai vraiment pris plaisir à lire ce bouquin. Alors, et ça m'arrive pas pour beaucoup de bouquins de prendre plaisir à lire. Et Bah voilà. surtout que des fois c'est un peu difficile des livres comme ça, Ouais. scientifiques Et qui... bah justement celui-là. Alors après, moi, c'est vrai que c'est dur de dire si, parce que pour moi, le bouquin est plutôt abordable. En termes, je veux dire, intellectuel, il n'y a pas besoin d'avoir fait un doctorat de socio quoi, pour comprendre. Donc, Ok. mais. Et ouais, Ça s'est ça c'est bien passé. déviation, vous attendez à rien et pourtant vous repartez avec tellement. Est-ce que ce serait pas notre punchline? On change de punchline à tous les épisodes. C'est vrai. Bon bah en tout cas, c'était un épisode bien sympa, c'est un épisode qui nous tenait à cœur parce que... Pour une fois qu'on a la chance de se réunir tous les Ouais, trois, voilà. chose qui n'était pas arrivée depuis avant la création Parce que ça c'est aussi quelque chose qu'on n'a pas évoqué et qui me semblait super important, c'est qu'à terme on avait tous les deux la volonté de faire plus souvent ce genre de choses. C'est-à-dire des podcasts en vrai, se mettre autour d'une table avec de la bière. Bon, là c'était de l'eau parce qu'on est raisonnable. Mais voilà, de pouvoir interagir, c'est beaucoup plus agréable de discuter comme ça. Et donc voilà. Quelque chose qui, je l'espère, sera de plus en plus fréquent et on va essayer de faire en sorte que. Yep. Bon, bah en tout cas, à la Bisous. prochaine pour Et un bah ouais. épisode plus traditionnel. Et Salut. il y avait un indice dans l'émission. C'est vrai. Allez, bisous. Salut. Salut. On me prend une fois avant, tu poses ton téléphone. Pire qu'un gosse. Hein.